Love in Fun, 20h, 23h avec Karima, le doc, ouais. Moi c'est Karel, Kassima, Alaria et Lilou et Ludo aussi qui arrêtent pas de décrocher pendant toute la soirée. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous appeler tous les soirs au 01 42 48 5000. Et je sais que c'est la même chose pour Mickaël, No Limit, ça cartonne aussi. Oui, bonsoir, tout à fait, Mickaël. Sauf que moi je fais pas de blanc. Ah oui, tu as entendu parler de ce nouveau phénomène. Ah bah attends, c'est un buzz sur Twitter et Facebook, on parle que de ça. Hein. Le blanc de tout à l'heure, là, bah non, mais attends. Le blanc de Kassim. Exactement. D'ailleurs, il y a. Kassim, tranquille. Il y a même Lucas et Pedro, les deux directeurs de la radio, qui en parlent beaucoup d'ailleurs. Voilà, c'est eux qui sont la base de ce buzz. Mais j'essaie de le protéger, mais je crois que je vais pas pouvoir, je vais devoir faire appel au doc. Ah bah c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, bah ouais, c'est bien, parce qu'avec le doc, on peut faire n'importe quelle connerie, tu vois, s'il nous protège, on est tranquille. C'est vrai. Attendez, oui. Il était là avant tout le monde, il commençait pas à faire les vannes, hein, donc c'est vrai en plus, c'est vrai. Bon, ben bonne soirée à vous. Eh ben merci. Salut, beaucoup. Bonne émission à vous. Allez, éclatez-vous bien. Eh ben t'inquiète pas pour ça, jusqu'à 2h on est là, c'est retour de Love in Fun demain à partir de 20h sur Fun Radio. Allez, c'est parti. À demain. Salut, à demain, on est parti jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël, No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bon ben j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Fait bien plaisir de vous retrouver en tout cas ce soir. Là on est ensemble jusqu'à 2h du mat. Si vous débarquez sur Fun, eh bien soyez les bienvenus. Moi c'est Mickaël. On est là tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. Et puis le dimanche soir de 20h à minuit. Si vous voulez faire évidemment comme Eva Mélie qu'on va prendre dans un instant, là vous pouvez nous appeler dès maintenant. 01 42 48 5000. Le numéro du standard fonctionne. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Comment ça va Eva Méline? Eh ben ça va très bien, et vous? Eh ben rock'n'roll le prénom Eva Méline, hein. Ouais, je sais, mes parents, je sais pas ce qu'ils avaient. Mais ils étaient bourrins, à mon avis. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, on trouvera jamais autre part que sur moi. Non. Note, c'est bien parce que c'est le côté exclusif, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon, j'aimerais bien quand même avoir un nom qui passe partout aussi, ça serait bien. Ouais, quoi. Bah écoute, si tu veux, on peut te rendre service, on va t'appeler Eva. Ouais, limite. Ça devait être une hésitation. Le père voulait Eva, la mère voulait Amélie. Ils sont fait, allez hop, Eva Amélie. Heureusement qu'il n'y en a aucun des deux qui a hésité avec Christiane, hein, parce que t'aurais été bien dans la merde pour le coup. Hein. Ouais, ah, vraiment, c'est pas mal. Hein. C'est vrai. Bon, t'as passé une bonne journée, Eva? Bah ouais, moi j'ai passé une super bonne journée. Bon, dommage qu'il a fait moche, mais bon. Ouais, t'as remarqué aussi toi. Nous on a passé une super bonne journée également. On devait aller bouffer avec le boss. Il nous avait invité. On s'est dit putain cool. On va le saigner. On va bouffer comme des porcs. Ça faisait 4 jours qu'on mangeait plus avec Toff et Polo. Ah ouais, là, on et était puis là. Bah on s'est levé. Et puis une heure avant le déj. Non mais en fait je peux pas venir. Ouais. Donc on reporte. Donc du coup on est affamé. Voilà. Ouais, du coup voilà. On ne peut pas manger jusqu'au prochain rendez-vous. Et bah exactement. Donc merci au boss de la radio qui nous a mis à la pain. Voilà. Il nous a planté en fait, tout simplement. Donc non mais vraiment c'est cool quoi. Mais c'est bon pour notre régime, ça nous fera du bien. Pas faux, effectivement. Bon, si vous voulez appeler le standard, n'hésitez pas, hein, le standard évidemment. Eh bien le standard, ce sont elles. Au taquet. Ouais, vachement. Telles des poules dans le poulailler, elles sont là au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. C'est Kelly et Lilou qui sont là en pleine forme, les filles. Oui. Approche-toi du micro, Lilou. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio maintenant là? Oui. On t'a appris tout ce qu'il fallait il y a 5 ans et tu n'as rien retenu. Vous êtes un peu mes pères spirituels. Ouais, un peu, oui, mais spirituels seulement alors. Voilà, Lilou est au standard, Kelly également. Si vous voulez les joindre, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. D'ailleurs, les premiers stickers sont arrivés également grâce à Lilou. Grâce à Lilou, grâce à Kelly, je vous rappelle que si vous voulez vous aussi vos stickers de l'émission, eh bien vous pouvez voir à quoi ils ressemblent sur le Facebook et le Twitter. Et puis vous pouvez également faire vos demandes en envoyant un mail avec vos coordonnées complètes à Lilou, Lilou, @funradio.fr. Alors attention, il y a un petit peu de retard parce qu'elle est un peu débordée. Il faut les envoyer deux fois parce que le premier n'arrive pas. Mais n'oubliez pas, une deuxième fois. Mais n'oubliez pas vos coordonnées. Merci Polo pour cette information. C'est vrai que j'avais oublié. Donc voilà, Lilou@funradio.fr ou alors vous appelez le standard, bien entendu, pas de problème. Ça va bien aussi, pas de problème de mobilette aujourd'hui? Écoute, non. Non, tu veux faire un tour en mobilette, Eva? Ouais, moi je veux bien. Ouais, attends, je veux bien monter. Ouais. Attends, je démarre la mobilette de Toff. Ah bah voilà, elle démarre pas. Ouais, ça c'est ta faute, t'y as touché encore. Bon attends, mais j'ai voulu régler le carburateur. Faut pas y toucher. Attends, je redémarre là. Oh putain, qu'est-ce qui lui arrive là? Oh bah là, elle est pétée de chez pété là. Attends, on recommence. Ah mais ouais, mais t'aurais pas du tout. Quel talent. Ce petit tour t'a fait plaisir, Eva? Oui, ça m'a décoiffé, limite. Ah bah c'est normal, mais avec ça c'est plaisir. Ah bah écoute, elle va tellement vite la mobilette de Toff. Hein. Et attends, un autre truc qui va te décoiffer également, c'est Polo qui est en forme aussi ce soir. Hein. Je suis toujours en forme. Il hésitait. Suis-je en forme ou pas? Je ne sais plus. Je me pose la question à moi-même. Voilà. Attends, donc Polo se tâte un peu. Non, parce qu'en fait, je cherchais le pipeau. Ah d'accord. Dans parce que justement. En or. Voilà, parce que j'avais besoin de toi ce soir pour jouer des nouveaux morceaux là qui rendent soi-disant plus intelligents. On en parlera évidemment. Petit coup de pipeau quand même. On y va. Alors attention, c'est parti. Quel talent. Qu'est-ce que t'en penses, Eva, toi? C'est quand même un talent assez exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Après, ça dépend pour qui. Ah, ça dépend pour qui. Mais comme tout, il y a plein de gens qui aiment bien une chanson et qui n'aiment pas l'autre, etc., etc. Évidemment, évidemment. Exactement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de chansons, là, est-ce que t'aimes bien ça? Eva. Ah bah carrément. Ah bah carrément, c'est Stromae. Et bien sûr, on écoutera aussi Le Midi, tiens. Voilà, avec Dance 2013. Est-ce qu'il y a un son que t'as envie d'entendre ce soir, Eva, là? Choisis, qu'est-ce que tu voudrais? Eh ben, je t'avoue que Stromae, ça m'intéresserait bien, Bon, bah écoute, ça tombe bien, on va le mettre dans un instant. Eh ben, Stromae, si vous voulez aussi choisir vos titres ce soir, n'hésitez pas, il vous suffit de demander. Vous envoyez votre message maintenant, vous débutez le message par le hashtag Mickaël sur le Twitter, tout simplement. Et si vous êtes, si vous envoyez votre message et que vous mettez le son que vous voulez entendre, j'essaierai de vous le caler avant 2h du mat, bien entendu. Il y a des messages qui sont arrivés, tiens, t'es connecté toi ou pas, Eva, sur le Twitter, le Facebook de l'émission? Sur le Facebook. Sur le Facebook, bah très bien. Alors, je voulais remercier tous ces connards qui... Non mais on a rigolé dans le studio parce qu'en fait on est arrivé à 130 000. Donc pour l'émission qui a un mois et demi, on était quand même plutôt fiers. Ouais. Donc j'ai mis la photo en vous remerciant. Et puis il y a des trous du cul qui ont rien trouvé de plus drôle à faire que se désabonner. Donc résultat, je dis merci aux 130 000 et on s'est retrouvé à 129 980, un truc comme ça. Parce qu'ils se sont marrés. Donc voilà, ils sont revenus, mais voilà, comme ça ils m'ont fait passer pour un con quelques minutes. Donc merci. Cool. Je te fais une petite blague. Ouais, vite fait, ça va, c'est bon. Bon, il y a Mister Steven sur le Twitter qui dit faut faire la vidange de la mobilette de Toff là. Ouais, on va y penser, l'entretien arrive. Polo et son pipeau, c'est indispensable. Mathias qui dit la moto de Toff tellement énorme. Ah bah oui, il y a toujours la photo d'ailleurs de la moto de Toff. Hein. Vous pouvez aller la voir sur le Facebook, on l'a mise hier, facebook.com/Mickaël officiel. Et Miss Carter qui dit je veux trop des stickers, ils sont trop beaux. Ouais, ils sont plutôt bien d'ailleurs. Si vous les voulez, donc LILOU@funradio.fr. C'est le mail de Lilou, vous mettez votre adresse bien entendu. Et elle est contente, hein? Ah oui, je suis vraiment très contente. Quel faux cul alors. Bon, Eva Méline, alors, enfin j'avais dit qu'on t'appellerait Eva, on va t'appeler Eva. Est-ce que t'as un iPod toi, Eva? Oui, un iPod. Bon, très bien, parce qu'on va en offrir aussi ce soir des iPods, des casques de DJ également, et peut-être même des iPad mini. Je vais voir, je me tâte, je verrai. Un iPad mini, tu as? Non, ça j'ai pas, non. Ah, t'aimerais bien l'avoir? Pourquoi pas, effectivement. Eh ben, écoute, on verra. On verra. Ou pas. On verra. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Eva? Tu nous appelles pourquoi? Alors, parce qu'en fait, moi, j'aimerais raconter ma pire connerie. Sur le moment, c'est pas drôle, mais quand on raconte, déjà tu vends bien drôle. Le truc. Hein. Bon, alors, sur le coup, c'est pas drôle, hein, mais bon, je vais essayer de vous l'expliquer correctement quand même. Quand toi, tu le vis sur l'instant, d'accord. Ça fait vraiment pas rire. Mais quand tu y repenses après, tu tapes une barre, en fait. Bon, bah alors, vas-y. Alors, explique. Vite fait, j'étais en voiture avec mon chéri, et on était en train de conduire. Enfin, il conduisait surtout, et j'étais un peu chaude. Je commence un peu à le chauffer et tout ça. Après, je commence à passer aux choses un tout petit peu plus sérieuses. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que au moment où il a éjaculé, en fait. Il a fermé les yeux et il a pas vu que la voiture de devant, elle avait freiné. Ah, oh, ça m'est déjà arrivé aussi. Pas dans cette situation-là, mais je l'expliquerai tout de suite, ouais. Ouais, mais c'est... Enfin, après, c'est la suite parce que le mec, il descend de voiture. Ah bon, alors tu nous expliques ça dans un instant. Moi j'ai déjà fait une connerie aussi, moi c'était j'étais beaucoup plus jeune et j'étais avec ma meuf, on s'embrasse pendant que je roule et comme un idiot, si au lieu de regarder en même temps, je ferme les yeux, du coup paf le mur. Non mais c'est con, mais c'est exactement vrai. La non, même mais véridique, hein, véridique. Véridique. Et Toff aussi a dû avoir des conneries comme ça, non? En plein, plein. Bien sûr, lui c'était avec sa mobylette à mon avis, non? Mais exactement. Ah, je me suis fait viser. Hop là, la mobylette elle est où? Sors la mobylette du garage. Voilà. Voilà, c'était ça en gros? Ouais, c'était ça, j'ai essayé une autre position, ça a dérapé. Bah oui, c'est ça, bon, autant avec les pneus que t'as, hein, c'est normal. Oui. Bah ouais, bon, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme pire connerie là? Eva là, qui a fait un accident de voiture là parce qu'il faisait des choses pas très catholiques, hein, on peut résumer ça à ça? Ouais, on peut résumer ça à ça, oui. Très bien. Ça. Bon, eh ben on fait ça, ne bouge pas de là, Eva. Je vous rappelle également qu'il y a le jeu du je t'emmerde hein, tout à l'heure hein, qui va débarquer. Hein, Je t'emmerde, eh ouais. Je t'emmerde, yo. Si vous voulez jouer avec nous là, on jouera tout à l'heure avant, d'ici une grosse demi-heure là, voilà, d'ici c'est d'ici 30 minutes. Si vous voulez vous inscrire, j'ai des casques de DJ à vous offrir. Il suffit simplement de composer le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Principe assez simple. On appelle des gens au hasard. Vous êtes deux auditeurs. Vous vous affrontez. Celui qui arrive à placer un maximum de je t'emmerde dans un minimum de temps repart avec les cadeaux. Pas plus compliqué que ça. Vous voulez jouer 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et là, nous allons accueillir évidemment notre ami Xavier avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Comment ça va? Nickel. Bon, eh ben très bien, sois le bienvenu Xavier, 18 ans de Pau toi, ça va bien Pau? Ouais, nickel, au poil. Au poil, à Pau, bah c'est parfait, écoute. Bon, Xavier, toi t'es là pour la colle de ce soir. La colle, je vous le rappelle également le concept, hein. Enfin, le rappel, tu vas poser une colle. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse, ils doivent évidemment répondre sur le Facebook. Facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, vous allez cliquer sur la photo que je vais mettre dans un instant avec l'iPod, hein, l'iPod Nano, et vous laissez votre message, votre réponse dans les commentaires. Vas-y pour la colle, Xavier, on t'écoute. Donc, comment fait un rat pour se faire beau? Comment quoi? Comment fait un rat pour se faire beau? Comment fait un rat pour se faire beau, c'est ça? Ouais, ouais, nickel. Comment fait un rat pour se faire beau? Bah, il va chez le coiffeur. J'en sais rien. Non, je sais pas, ouais, j'imagine que c'est pas ça, hein. Ah non. Non, bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, c'est l'iPod Nano à gagner maintenant qui vaut quand même 150 euros. À vous de jouer maintenant. Facebook.com/mikaelofficiel. Vous cliquez sur la photo où il y a l'iPod et bah, si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec l'iPod Nano. Ce sera à minuit 30 le tirage au sort final. Xavier, comment fait un rat pour se faire beau, c'est bien ça? Oui. Allez, bonne chance. Bon bah tout à l'heure Xavier, on te reprend. Hein. Ok, à tout à l'heure. Allez, bouge pas de là. Et puis les autres, si vous voulez jouer aussi, si vous n'avez pas internet, vous pouvez envoyer votre SMS également. Vous envoyez Mikael au 64 900 ou alors Mikael au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Je vous l'ai promis, Stromae dans un instant, Eva. Hein, t'as vu, j'ai une parole. Hein, je te le mets dans un instant. Eh oui, je suis comme ça, je n'ai qu'une parole. Oh, tu es trop bon, mais Mikael. Je sais. Bon, Eva, bouge pas de là. Stromae arrive dans un instant avec Papa Outé. Et sur le Facebook également la photo de Lilou. Hein, si vous voulez voir celle qui vous envoie vos stickers, vous pouvez les voir à quoi elle ressemble sur facebook.com/Mikael. Officielle. Elle vous envoie les stickers tout au long de la soirée. N'hésitez pas si vous voulez débarquer. C'est Mikael No Limit, 23h11. On est en direct jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Bienvenue tout le monde. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mikael No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, j'allais dire balancer, non, balancer tous vos messages évidemment, n'hésitez pas dès maintenant sur le Facebook, facebook.com/Mikael Officiel. On salue Joséphine qui dit Backer Matt avec Van Dyke s'il te plaît. Il n'est pas prévu ce soir, mais on va te le mettre avec plaisir. On vous l'avait fait découvrir, ça, le morceau avec le saxo là. On vous le mettra tout à l'heure. Il y a Mathias qui dit moi je me suis déjà fait griller en train de balancer des pétards dans la classe, c'est la loose. Et JB Del Franco qui dit tu pourras mettre Bouya de Showtech. Allez, d'accord, celui-là non plus il était pas prévu. Je te le mets tout à l'heure, le Bouya avec Showtech sur Fun Radio. Enfin l'inverse, c'est Showtech avec Bouya. On vous le met sans problème. Retour avec Eva dans un instant. Là, les crashs, elle a fait un crash parce qu'elle faisait une cochonnerie avec son mec. Et donc forcément, lui, il a fermé les yeux. Et là, évidemment, c'est la catastrophe. On fera également le top tweetos hein, ce soir. Je rappelle que si vous voulez être élu meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent sur Twitter, à vous de jouer. Vous balancez un maximum de messages avec le hashtag MIKL sur Twitter. Et puis à 2h du mat, on élira le meilleur auditeur de la soirée, ce sera peut-être vous, allez savoir. Et Mikael Officiel, vous m'ajoutez sur Twitter et on écoute Stromae maintenant, c'est Papa Outé sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Stromae sur Fun Radio, c'était Papa Outé, soyez les bienvenus. Hein, si vous voulez prendre le contrôle de la radio, un seul numéro, vous balancez évidemment tous vos messages sur celui-ci. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mikael au 64 900 sur Fun Radio. Exactement, il suffit de venir, vous nous appelez évidemment, n'hésitez pas, le message en l'occurrence vous l'envoyez sur le numéro du SMS et puis bien sûr tous vos messages en direct sur le Facebook et le Twitter, vous tapez Mikael officiel. Il y a Sandy aussi qui dit je vous surkiffe grave, merci Sandy. Si vous pouvez mettre formidable de Stromae au fait Mikael, trop mimi. Merci Sandy. Quel beau gosse. Là pour le coup je viens de mettre Papa Outé, Sandy, t'aurais dû débarquer un peu plus tôt. Julian qui dit le lance-flamme s'il te plaît. Ah bah bien sûr, évidemment je l'ai oublié le lance-flamme. Tiens, sur la gueule de Toff. C'est mieux là. Ah, ça, sale gueule. Voilà, là il est mieux là. Physiquement, ouais. ça ouais. Change un peu là. Tu te plais? Ouais. Attends. Il est prêt. Voilà. Et là? Ah, ça va mieux là. Ouais. Ah, là je te plais. Ouais. Non, là ça va mieux, effectivement. Ouais. Effectivement. Hein, si polo, j'aime bien comme prend. Ça. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses toi, Eva? Moi je trouve qu'il va bien, mais ça serait bien de lui remettre une petite baffe. Ah ouais, tu crois? Ouais, j'adore. Mais plus sur la gauche. Attends, mais je vais plutôt le retravailler. Ouais. Voilà. Attends, en même temps. Voilà. Attends, j'en retravaille encore. Ça va mieux là où tu. Ah non, on lui manque un peu la finition, hein. Ah bah oui, attends. C'est la finition quand même. Attends, on a enlevé un boulon trop là. Ouais, attends. Non, on est pas mal là, hein. Là, on oui, est pas on mal. Est pas mal, ouais. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Attends, merde, effectivement, j'ai coupé un morceau en trop là. Merde. Oh là là, attends une seconde. Attends, je finalise. Je finalise, attends une seconde. Allez, attends. On y arrive, attends une seconde, hein. Pas trop. Bah attends, putain, ça fait la poussière partout cette merde. Attention, je crois qu'on y est là. Parfait. Impeccable. Là, on ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien. Eva, tu les poses ou pas là? Ouais, moi franchement là, je dis c'est bon. On fait pas plus parce que plus ça serait nul. D'accord, combien tu mesures Eva? Je mesure 1m55. Combien pèses-tu? 45 kilos. Oui, ça culmine pas très haut, 1m55. Hein. Ouais, mais ça pèse pas trop, donc c'est bien. Quel est ton tour de poitrine? 85D. D comme énorme. Ouais, comme dodo. Oui, comme dodo dessus, oui, effectivement. Et ou alors comme dranlette espagnole. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est bien aussi ça. Trouvez des mots avec D, hein, pour ça là. D comme dada. Oui. Oui. Bon, c'est pas terrible. Je vais chercher dessus. Oui, dessus également, c'est bien. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 36. Ah oui, écoute, c'est, on se marie quand tu veux. Ouais. Je peux aller chercher la bague tout de suite. Oh, tu vas investir dans une bague. Ah ouais. Tout ça pour un one shot. Dis donc, je t'ai connu plus radin. Non, on va se marier. Ah oui, c'est ouais, mais enfin, tu vas te marier et puis tu vas divorcer, quoi, comme à Las Vegas. Ouais, c'est pour ça, on va se marier à Las Vegas, comme ça, on a un voyage sympa, quoi. On était d'accord. Bon, retour avec la colle dans quelques instants sur Fun Radio. Et il y a Miss Carter qui dit doit avoir une sale gueule, Toff. Ah bah ouais, je te confirme, tu dois pas dire il doit avoir, hein, tu peux mettre au présent. Attends, il y avait quoi aussi comme message, Julien qui dit. Ben ça va mieux, mais enfin bon, il a fallu quand même vachement travailler. Hein. Julien qui demandait aussi si on pouvait passer la nouvelle chanson d'Avicii avec You Make Me. Oui, bien sûr, on te le mettra tout à l'heure. Pas de problème, la chanson d'Avicii. Christophe qui dit salut Mickaël, je suis policier, on est en patrouille dans Paris 12e, on vous écoute, continuez comme ça. La police Paris 12e pouvait pas venir dans le 8e. Et vous arrêtez Lilo et Kelly en direct. Étoffe. Oh, c'est bon ça. Hop, dans la fourgonnette. On y va. Non mais venez. Moi je vous. De toute façon, on n'a pas besoin de vous ouvrir. Hein. Vous arrivez, vous dites police, on veut rentrer. On est au deuxième étage. Venez nous voir la police. Et je vous attends, hein, Christophe et les collègues là. Venez. Mettez un coup. Ah oh, putain. Vous me prêtez la matraque. Je tape Toff. Ah et les menottes. Et on le démonte sa tête. Là, ça va être bon. Oh ça. Putain, ça peut être bon. Hein, Toff. Je suis pas convaincu par votre. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Moi je suis très convaincue par cette idée moi. Bah écoute, alors bon, la police du 12e qui est en train de faire la patrouille, venez, nous avons besoin d'aide. Il faut venir, nous sommes des citoyens en détresse. Il est laid. Oui. Il est laid, quelle laideur. Exactement, venez, on vous attend avec impatience. Non mais je déconne pas, 20 rue Bayard dans le 8e à Paris. Il faut rentrer par. Rentrer, il y a une seule porte, ça, vous savez pas vous tromper. Et vous venez, on vient vous chercher, il n'y a pas de problème la police avec la matraque et je tout le merdier. C'est la BAC. Surtout si vous êtes une gendarmette. Ah oui. Alors, je veux bien être molesté par une gendarmette. J'imagine. Ah, il y a Jimmy qui dit D comme démentiel. Oui, c'est pas mal aussi, effectivement. Et Pauline qui dit sérieux, la mobilette de Toff, je me pisse dessus, le bruit de démarrage, envoie-moi le mail de Loulou, s'il te plaît. J'ai pas écouté. Ouais, c'est Lilou, Liolu, @funradio.fr pour demander vos stickers. Vous mettez votre adresse également, hein, sinon on peut pas vous les envoyer. Bon, on va continuer à parler des conneries là, Eva, parce que toi, t'es la reine dans ce niveau, hein, a priori, hein. Oh, la reine, tu dis, j'en ai fait une pas mal quand même. Ouais. Bah, elle était quand même belle quand même, hein. C'est du high level quand même. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc Eva nous avait appelé pour dire qu'elle avait fait un accident de voiture avec son mec. Bon, pas l'accident bête, hein. Enfin, si, un accident bête parce qu'elle était t'étais en train de le sucer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est voilà, ça. Et c'est au moment de l'éjaculation qu'il a fermé les yeux et puis bam, le drame. Exactement, et donc, le pire c'est dans tout ça, c'est que le mec il est sorti de la voiture en fait. Ouais, parce qu'en fait vous êtes rentré dans une autre voiture. Bah ouais, on est rentré dans une voiture, enfin c'était un feu rouge et tout, en fait on n'a pas vu que c'était pas feu rouge et il a pas tapé fort, enfin il l'a pas englouti mais il l'a juste tapé dedans. Ouais. Et le mec pas content, il sort, mais le truc c'est que moi j'en avais plein dans la bouche. Oh, moi, t'es dégueulasse. Et moi, j'avale pas moi en fait. Ah en plus, bah c'est bien, t'as plutôt lui cracher la gueule. Oh, quelle horreur. Donc le truc c'est que bah quand mon chéri il a vu qu'il sortait, il m'a fait vite, relève-toi, crache ça. Mais je savais pas trop où, comment. Non mais t'es sérieux, c'est dégueulasse. Bah oui, mais enfin comment tu veux qu'elle fasse? Je sais pas, mais quelle idée, pourquoi il a fermé les yeux, il est con quoi? Je n'ai rien dit, moi-même j'ai fermé les yeux alors que c'était juste un bisou. Alors, c'est oui bon. Mais toi tu es un génie, Mickaël. Ouais mais justement non, pas là non. Non là non. Là, toi là. Tu as le droit. Mais non aussi, là. Mais si Mickaël, c'est la voiture de devant qui ne devait pas être là. Exactement. C'est ça. Et en plus, c'est ça. En plus j'avais dit à moi, il me dit à mon père me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, j'ai glissé. Ah bon, mais comment ça t'as glissé? Je comprends pas. Pendant des années, il a essayé de nous faire croire qu'il avait dérapé. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc du coup, voilà, mais bon, un accident bête, bon, ça arrive. Ouais, mais voilà, c'est ça. Bon, et du coup, il s'est passé quoi? Le mec, il est venu, il vous a mis une patate ou il s'est passé quoi? Bah non, du coup, il est arrivé au niveau de la voiture et tu vas m'enchaîner. Il a fait, je peux avoir mon tour, c'est combien? Non, mais parce que voilà, il voulait faire un constat. Là, il a constaté, hein. Ouais, non mais je rigole parce que sur le moment j'ai pas rigolé, j'étais vraiment dans le mal. Ouais mais là il a bien constaté, donc, t'inquiète pas. Donc il arrive au niveau du carreau, donc il tape et tout, mon chéri descend la vitre et puis il commence à gueuler et puis tout d'un coup il me voit et puis il me regarde et il me dit pourquoi vous parlez pas vous? Beaucoup de problèmes dans la boue. Et j'ai regardé mon chéri, j'ai regardé le mec. Non mais t'es pas sérieux, c'est quoi cette histoire? T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Hein. Oh. Franchement, j'ai craché dans ma main et je l'ai regardé. Et qu'est-ce qu'il a dit le mec après? Je l'ai regardé, j'ai dit je suis désolée mais moi j'avale pas. Et après il a regardé mon chéri, il avait pas remonté le caleçon. Et là le mec il s'est tapé une barre. Mais une barre, mais tout. Ouais, moi j'aurais été prendre une barre, je vous aurais démonté la voiture. Mais au final, tu vas te foutre de ma gueule. Tiens, ta voiture de merde là, tu vas voir ce que je vais t'en faire. Non mais au final il a regardé sa voiture, il y avait rien, on a juste un peu tapé dedans quoi. Oui non mais d'accord, mais enfin quand même. Ouais mais voilà, il a trouvé ça drôle et puis il a fait ouais bon bah bonne continuation les jeunes et puis il est reparti en rigolant et puis oh bah t'as encore eu de la chance. Moi, hein. Je me sentais trop mal et sans déconner, t'as eu de la chance. Bon ouais. Attends, il y a Anthony qui est là, reste avec nous et voilà, t'es là Anthony? Oui. Bon toi aussi t'as eu un problème là en termes de conneries? Ouais. Bon tu vas nous expliquer ça dans un instant, en deux mots ça parlera de quoi? À peu près pareil que Eva. Ah toi aussi tu faisais une pipe, d'accord, ok très bien, bah écoute on en parle dans un instant Anthony, il n'y a pas de mal Anthony, t'inquiète pas. Non, ta sexualité ne nous regarde pas Anthony, exactement. Bon Anthony, Eva, restez là tous les deux, on va reprendre vite fait Xavier là pour la colle, t'es là Xav? Ouais. Bon alors attention, vas-y fais péter de nouveau la colle de ce soir. Je rappelle que toutes vos réponses doivent être envoyées sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo avec l'iPod Nano que vous allez pouvoir gagner ce soir. Et donc si vous êtes tir au sort, c'est gagné. Vas-y, fais péter la colle. Comment fait un rat pour se faire beau? Comment fait un rat pour se faire beau, c'est ça? Ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Julie qui dit il sourit. Ah ouais, sourira. Ah, moi je sais. Non. Il se lève tôt parce qu'il y a un râteau. Un râteau? Non. Tristan qui proposait un rabot. Ah, non plus. Il rabote. Non plus. Valentin qui dit il met du raticide. Ah, non plus. Non, Pauline qui dit il lève la queue. Ah, non plus. Ah, il y a Sylvain aussi, la même idée que Polo, tiens, il prend un râteau. Ouais, c'est pas ça. Ah, Mathieu qui dit se rase. Non plus. Il raccroche. Il raccroche. Non, c'est pas ça. Non. Attends, il y a. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Mickaël qui dit se faire beau. Pas le rapport? Non plus. Non, d'accord, ok. Bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Hein, facebook.com/mikaelofficiel. Vous laissez tous vos messages, évidemment, toutes vos réponses dans les commentaires, tout simplement, sur le Facebook. Bon, Xavier, on te récupère tout de suite, d'accord? Ok. Bon, bouge pas de là. Anthony et Eva, restez là également. Et, tiens, j'ai une petite question, tiens. Est-ce que ça vous intéresse que je vous rende plus intelligent? Moi j'aimerais bien. Ouais, carrément. Parce que ouais. Il paraît que si vous écoutez Weekend Stop de Miley Cyrus, sérieux hein. Voilà, Miley Cyrus avec Weekend Stop. Ou alors Justin Timberlake avec Mirrors. Eh bien vous devenez plus intelligent. C'est vrai? Ouais. Non, il paraît. Il paraît. Alors, c'est, c'est de où ce sondage? C'est un sondage. Commence pas à m'embrouiller. C'est un sondage qui a été fait. Je pars d'un endroit très sérieux, certainement. Et donc, du coup, bah, apparemment, en écoutant Miley Cyrus avec We Can't Stop et Justin Timberlake avec Mirrors, eh bien, on pourrait devenir plus intelligent. Alors, Polo, on peut faire éventuellement un test au pipeau pour voir si ça marche aussi? Ouais, on peut. Bon, alors, attention. Ouais. 3, 4. Vous êtes plus intelligent ou pas là? Oh là là, bien sûr. Ah là, quand même, on est monté dans le level. Hein. Je viens de comprendre la théorie de la relativité. Donc je vais vous expliquer ce soir grâce très à bien. Polo. Parfait, parfait. Bon, si vous aussi vous avez des chansons qui vous êtes comme ça, vous concentrez pour bosser ou étudier, venez nous donner les titres hein, qu'on puisse comparer un petit peu. Non, apparemment, on aurait plus facile à étudier avec des chansons, on deviendrait plus intelligent avec d'autres chansons. Et donc Miley Cyrus et Justin Timberlake seraient en tête des deux chansons qui aident à devenir plus intelligent. Va savoir. Et toi Eva, c'est quoi? Moi, de base, j'écoute du métal, donc je sais pas trop si ça va connaître. Bah, je sais pas, System of a Down. Oui, Bah oui, c'est soit évidemment qu'on connaît System of a Down. Tu nous as pris pour des incultes ou comment ça se passe? Non, mais on sait jamais. Il y en a qui connaissent pas parce que c'est pas ce genre de musique qu'ils écoutent, tout simplement. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, exactement. Mais t'empêche, tu connais bien Stromae. Et si t'aimes bien le métal, c'est pas très métal, hein. Ouais, mais ça veut pas dire que je peux écouter toutes les musiques aussi. Eh ben voilà, c'est pareil pour base, tout le monde. Moi toute seule, je préfère écouter du métal. D'accord. Et donc toi par exemple, tu kiffes quand t'écoutes ça par exemple. Voilà, là ça ouais, ça. Ouais, le New Day, l'air de bon, alors, tout molle hein, quand même. Alors hein. Celle-là. C'est pareil. Ouais, t'es relou. C'est trop long. Ah Léon, t'es pas un peu chiant question. Toi? Faut mettre question. Non mais j'ai pas celle-là. Ah. Voilà, donc quand t'écoutes ça, en fait, ça t'aide à mieux travailler, quoi, c'est ça? Ouais, parce que moi je dessine beaucoup et ça me donne de l'inspiration, en fait. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bah oui, oui. Parfait. Bah écoute, pourquoi pas. Moi ça me donne envie de casser un mur, mais mais c'est tout. C'est ça. Et toi Anthony, c'est quoi qui t'aide à mieux travailler? Le rap. Le rap, d'accord, ok, donc toi t'es plutôt rap qui t'aide à mieux travailler, devenir plus intelligent. Bah écoute, pourquoi pas, on va en parler. Donc dites-nous vous comment ça se passe en termes de style de musique et de musique en règle générale. Eva, Anthony, vous restez là, on va vous mettre on va te mettre quelque chose qui ressemble à du métal, Eva là. Ouais, carrément, carrément. T'as vu, tu vas kiffer, tu penses? Ouais, non, enfin, ça dépend, faut voir. Bah écoute, alors écoute bien. C'est une version très rock de l'Humidi, c'est un remix. Ouais. Écoute. Ouais. C'est Fun Radio avec le son de Le Midi avec Dance, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer, si vous voulez prendre le contrôle de Fun, un seul numéro. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exactement. Venez composer le numéro. On vous attend avec impatience, évidemment. Et puis, je vous rappelle aussi, d'ailleurs, que vous pouvez venir jouer avec nous. On va jouer au jeu du Je t'emmerde dans quelques instants sur Fun Radio pour gagner vos casques de DJ. Je t'emmerde. Oh. Je t'emmerde. Casque je t'emmerde. DJ à gagner d'ici quelques instants sur Fun Radio pour tenter de venir gagner votre casque DJ. À vous de vous inscrire. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Clem qui dit bop, on danse devant nos ordi en tweetant, ok. Très bien, écoute bien, Clem. Super puceau qui dit, moi comme Tof, j'écoute tes bruitages de films X pour me concentrer. Millie sur le Twitter aussi qui dit, souhaite-moi bon courage pour demain, je vais passer une coloscopie. Oh putain, ça c'est dur. Coloscopie, ça fait une semaine que je suis à l'hôpital, la triste vie. Bah ouais, bah bonne chance Millie, ouais. Il y a Aleko qui dit, Sitter avec Carly Whisper, c'est pas mal pour se concentrer. Ah ouais, la reprise de Wham, version rock, elle est bien aussi. Ouais. Colin qui dit, tu gères de plus en plus au pipo, dis-moi Polo là. Oui, ah ouais, c'est vrai. Le pipo de Polo me rend surdoué, c'est Chris Bach qui a envoyé message et Mathias qui dit Justin Timberlake ça marche pas avec What Goes Around. Mika, ah bah je sais pas mais c'est vrai qu'elle est bien aussi celle-là. Elle a raison la fille là, il faut pas parler la bouche pleine là, faut recracher. C'est Dédé qui avait envoyé le message là. Bah, continuez avec tous vos messages évidemment en direct sur Fun Radio. On est là jusqu'à 2h du mat, c'est Mickaël, nos limites. Et puis on va reparler avec Eva, avec Anthony dans un instant des petits problèmes. Là vous êtes toujours là tous les deux? Ouais, toujours là. Et vous avez entendu hier soir là quand on a appelé, enfin quand Tof a appelé plutôt pour ce petit problème de couilles? Oui. Moi non. Oh bravo Eva. Ah désolé. C'est très mal Eva. Ouais. Et donc apparemment en fait c'était quand donc on appelait des gens pour leur demander quelle était la taille des couilles parce qu'apparemment si un mec a des trop grosses couilles en fait il peut être mauvais père voire avoir des problèmes cardiaques. Donc du coup on avait appelé là d'ailleurs hein, pour vous remémorer pour ceux qui n'étaient pas là hier. Attends. Allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari avait plutôt des petites ou des grosses couilles. Et votre connerie. Bah, je vois pas le rapport, madame. Allez vous faire foutre. Voilà, donc, pourquoi vous me dites ça? Bah, il y avait donc ce gentil allez vous faire foutre, et puis après on l'avait évidemment rappelé juste derrière, et ça avait donné ça. Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Bah, vous foutez de la gueule du vent, là, faire chier le monde à cette heure-ci, là. Bah, pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelais pour poser une question. Bah, on vient de se faire traiter de mari grosse couille, je sais pas quoi, là. Non, je voulais savoir si vous aviez plutôt des petites ou des grosses. Bah, moi, monsieur, je vous emmerde. Voilà. Il n'y a aucun rapport, monsieur. Ouais, blanc. Attends, qu'est-ce que tu crois là? Qu'est-ce que tu fous là, mon pote? Bon, on essaiera d'appeler d'autres personnes tout à l'heure aussi, avec d'autres conneries, évidemment, rassurez-vous. Si vous avez déjà des numéros de téléphone de gens qui seraient réveillés après minuit, n'hésitez pas à nous proposer ça également. Michael qui dit ma plus grosse connerie, c'est insulter les profs de ma classe en 6e. Oui, c'est une connerie, effectivement, on est bien d'accord, Michael, à ce niveau-là. On va reparler des conneries dans un instant, mais avant cela, faisons une grosse de conneries avec Sarah et Kelly. C'est ça, c'est Kelly? Kylie. Ouais. Ok, you're from USA, motherfucker? Non. Beverly Hills? California? LA? No? Bon, je vais essayer. Non, you are from Toulouse. Yeah. Ok, très bien, très bien. And Sarah, tu es de Saint Amour? Yes, I'm from Saint Amour. Yeah, Saint Amour, 77. Yes, perfect. Vous avez vu que mon anglais est quand même au top. Bon, alors, Sarah, Kylie, on va jouer maintenant au jeu du je t'emmerde. C'est bien deux filles pour jouer à ça, tiens, c'est pas mal. On va donc jouer, le principe est très simple. On va donc appeler des gens au hasard, évidemment. Le principe également est donc tout simplement de les insulter en disant je t'emmerde à tout bout de champ. Attention, il faut que la conversation soit logique. Donc pas la peine d'appeler quelqu'un, dire je t'emmerde, ça ne marche pas, d'accord? Il faut une vraie conversation. Vous appelez pour demander le sel, vous appelez pour j'en sais rien, pour acheter un truc, pour ce que vous voulez. À savoir qu'on ne sait pas chez qui on va. Hein. On peut tomber chez monsieur, chez madame, chez un vieux, chez un jeune. On ne sait pas. D'accord? Vous avez printé le principe là? Oui, ouais. Je préfère être sûr parce que bon, hier on a quand même fait un jeu qui est à peu près similaire. Et le gars il s'est fait passer pour un mec qui était de la compagnie des gaz. Oui, hein. C'est la compagnie du donc, gaz. Donc c'était pour être sûr quoi. Je préfère prendre les devants. Bon, le casque DJ sera peut-être pour toi, Sarah ou Kylie. Et qui veut commencer? Moi, c'est comme tu veux. Bon, ah ben... Berch. De quoi, Sarah? Berch. Berch? Ouais, honneur à Kelly. D'accord, ok, très bien. Bah, Kylie, alors on y va, c'est parti. Okay. Kylie, t'es prête? Yeah. On y va, bon. On y va, on appelle. C'est parti. Allez, hop. Voilà, bonne chance, Kylie. Un maximum de je t'emmerde avant qu'il raccroche. Et ce sera peut-être pour toi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on a d'autres numéros au cas où. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, je vous appelle, je suis votre voisine et j'ai besoin de récupérer un peu de sel parce que je dois faire à manger pour des amis et j'ai rien, je t'emmerde. Allô? Je t'emmerde? Allô? Je pense qu'elle est partie, hein. On a entendu le cloque. Allô? Je ne sais pas ce qui se passe, un peu de bébé, je t'emmerde. Ah ben non, ouais, quand on a entendu le clouc là, ça avait effectivement bien, bien raccroché. Hein. Donc ça fait deux. Bon, on rappelle encore un coup là, c'est parti. On appelle un autre numéro. Je vous rappelle que vous avez droit à deux essais et on prend le meilleur. Bon là, ça ne fait que deux, je t'emmerde, ce qui n'est vraiment pas terrible. Bonne chance, vas-y. Allez, faut y aller là. Allô? Eh ben voilà! Bravo Kylie, t'as raccroché à la gueule! Super! Mais quand t'as plus entendu de sonnerie là, il fallait y aller directement là, non, t'as attendu pendant 3 heures! Non, mais en général, les gens ils répondent. Oui, il y en a qui disent allô et puis il y en a qui sont qui en ont rien à foutre. Bon, Kylie, ça ne fait que deux, je t'emmerde. Hein. Oh là, ouais. là. Autant dire, Sarah, que tu as un boulevard devant toi là! Ouais, non, mais ça se trouve, je vais me foirer. Ah, bah si, ça se trouve. Ouais. Moi, en tant que bonne concurrente, je te souhaite bonne chance. Hein. Ouais, et bah c'est bien. C'est fair play, c'est ouais, beau. C'est fair play, bravo merci à vous. Merci Kelly, franchement, deux sur merde, c'est la classe. Ouais. Bon, Sarah, Kylie, bougez pas, on va revenir dans un instant. Elle se fout de ma gueule. Oui, il y a de fortes chances, mais nous aussi, t'inquiète pas, Kylie. Bon, donc deux, je t'emmerde. Sarah doit faire mieux dans un instant. Eva, tu penses que Sarah ou Kylie va gagner? Franchement, c'est tendu parce que ça dépend des gens. Parce que si elle tombe sur quelqu'un qui raccroche le nez, ça fait un essai en moins, quoi. Surtout à sortie, quoi. Surtout à sortie. Et toi, Anthony, t'en penses quoi? Merci Anthony, c'était vachement intéressant si tu veux me dire, c'était parfait. Sympa la vie. Vraiment au taquet. Bon, Sarah, Kylie, bougez pas, on fait juste après la pub la deuxième manche et on écoutera aussi le son de Calvin Harris. Calvin Harris, Thinking About You sur Fun Radio, c'est ce qui va arriver dans un instant pour venir prendre le contrôle de Fun Radio. N'hésitez pas, un seul numéro à composer. On est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limit, 23h-2h. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio en direct et c'est parti, la plus de pub maintenant jusqu'à 2h du mat, même toute la nuit sans pub d'ailleurs que je regarde. Ouais, là, jusqu'à Bruno dans la radio tout à l'heure. Plus de pub, vous êtes à la cool, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio, profitez bien. C'est Mickaël No Limit, là on est là jusqu'à 2h du mat, donc venez aussi, venez délirer avec nous, on va faire la suite des Je t'emmerde dans un instant. On va également continuer à parler des chansons qui vous aident à faire l'amour, qui vous aident à vous sentir plus intelligent, qui vous aident à mieux travailler par exemple. Voilà, Eva était plus sur le côté rock, Anthony était plus sur le côté rap. On va demander aussi à Sarah et à Kylie dans un instant. On aura la colle également là. Je vous rappelle qu'il y a l'iPod Nano à gagner. Et venez nous rejoindre également, on est quasiment 11 000 aussi hein, sur le Twitter là ce soir là. Je compte sur vous pour faire péter le score aussi. Vous tapez Mickaël officiel sur le Twitter. Et si vous êtes si vous nous faites un petit follow, eh bien moi aussi je vous ferai un follow évidemment sans problème. Voilà, donc je compte sur vous. Vous venez maintenant, tapez Mickaël officiel sur le Twitter de l'émission. Et puis venez, voilà, venez, prévenez vos potes. Mettez le hashtag Mickaël, je compte sur vous, on y lira d'ailleurs de par ce fait. Avant 2h du mat, l'auditeur le plus influent, ce sera l'auditeur de la soirée. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Calvin Harris qu'on écoute tout de suite, c'est Thinking About You maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée. Le son de Calvin Harris, Thinking About You, à l'instant sur Fun Radio. Et puis il y a Lilou qui est en train de se dire: ah mais je m'ennuie, il n'y a pas assez d'appels. Donc je compte sur vous, hein. N'hésitez pas à la faire chier ce soir. Là, il y a Kelly également là. 01 42 48 5000 si vous voulez l'entendre ce soir, elle est là, disponible. N'est-ce pas Lilou, n'est-ce pas Kelly? Oui. Voilà, elles sont là, donc vous pouvez y aller hein. Donc 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. N'hésitez pas, faites-la un peu bosser. Vous pouvez également juste l'appeler également pour lui raccrochonner. Voilà, c'est ça. Dites colasse. Hop, vous raccrochez, c'est aussi simple que ça, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. 01 42 48 le 5000 bonheur. Ou 02 851 4x0, voilà. C'est simple comme un coup de fil. Le exactement. Il est 23h51, bienvenue sur exactement. Les infos présentées par Mickaël. Oui, information très importante, il était temps, ça y est, les règles sont arrivées. Non, genre, vous n'êtes pas encore arrivé les règles? Non. Attends, ça fait deux jours de retard là, tout nous attend un polichinelle, c'est sûr. Mais on est enceinte. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais. Lilou ment. Non, moi ça me fait plus rire. J'ai... Bon, Lilou Toff, vérification. Hein? Vérification, Toff. Attends, je garde les gens. Lilou ment, j'ai eu des informations. Ah bon, de qui? De gens qui m'ont donné des informations. C'est le sceau du secret, il faut pas. Oui, faut je ne peux pas révéler. Mais j'ai mes informateurs. Ou alors cette personne est un peu folle, mais. Monsieur Tampax m'a prévenu. Non, c'est pas Tampax que j'utilise comme marque. Okay, dommage. Ouais. Ah, on me confirme effectivement que tu aurais tes règles à travers la fenêtre. Non, en fait, c'était mon excuse tout à l'heure pour aller boire un coca en loose day. Genre, attends, j'ai mes règles, faut que j'aille changer mon tampon. Mais c'est ça. Mais deux jours de retard, c'est bizarre. Hein. Non. Non, elle se rassure là. Non. Je me disais bien que t'avais pris un peu de ventre là. Oh god. C'est vrai que j'ai grossi, mais non. Je me disais bien qu'il y avait un petit truc au niveau du bide là qui était chelou dans cette histoire là. Bizarre. Bon, il y a DJ Bourbru sur le Twitter qui dit Mickaël's Family est au taquet ce soir. Bah bien sûr. Fan de Mickaël qui dit VIP, very important prout. Ah bah bien sûr aussi ça. Tiens, oh là, je me suis trompé. Voilà, il va mieux. Mathias qui dit une énorme dédicace au lycée Scherer Kressner sur Tann. Eh ben, le message est passé, y a pas de problème. Julien qui dit ma plus grosse connerie, c'est d'avoir balancé toutes les affaires de mon prof par la fenêtre dans une flaque de boue, j'ai pris cher après. Sans déconner, effectivement que t'as pris cher. Retour avec Eva maintenant. Eva et Anthony, vous avez 30 secondes, autant qu'on termine avec Sarah et Kylie pour le jeu du je t'emmerde. Ouais. Ouais, t'étais bien avec nous Eva. Hein. Ouais, je suis bien. Voilà, ouais. Et comme Anthony de toute façon lui il s'en fout, il est jamais là. Ah, parce que je t'ai appelé tout à l'heure mais tu m'as laissé un gros vent. Hein. Ah, désolé. Ah bah ouais, j'ai bien entendu. Bon, Sarah, Kylie, vous êtes prêtes? Ouais. Enfin, Kaï, t'as déjà montré à quel point tu t'es doué avec deux je t'emmerde dans une dans un seul appel. Ça va, bravo. Sarah, elle était très forte. Ouais, Sarah, à toi de jouer maintenant. Attention, c'est parti. On appelle, on compose tout de suite. Il faut placer plus de deux je t'emmerde, tout simplement. Okay. Si tu y arrives, tu gagnes. Allô? Allô, bonsoir madame, je joue au jeu du je t'emmerde. Oui, bah moi aussi. Alors, non mais le jeu du... Écoutez-moi. Vous connaissez le jeu du je t'emmerde? Non mais j'ai pas envie On doit placer plus de je t'emmerde dans une seule phrase. Vous savez quelle heure il est, madame, vous dérangez tout le monde. Alors, non, je me doute, moi, mais le jeu du je t'emmerde, c'est vraiment génial. Oh là là! Ah non, là, c'est beau, là, non seulement t'en as mis plus, mais en plus, t'as même eu le cadeau bonus avec la meuf qui était au répond également, je t'emmerde. Ça, là, on était bien. Ah non, là, j'ai envie de te dire quand même, toutes mes félicitations, t'as bien joué, là. Ah merci, non, vraiment. Franchement, j'ai médité ma stratégie depuis cet après-midi, je me suis dit, j'appelle, je joue. Bah, c'est ça, attends, t'as le public également qui va t'applaudir, là. Voilà. Ah, franchement, merci. Grand public, au taquet, nous sommes nombreux dans le studio de Fun. Avec moi. Voilà. Ah, attends, il y en a un qui a un truc à dire. Voilà. Bon, alors du coup, bravo Sarah, c'est le casque DJ Kylie. Ah, si, je suis trop contente. Kylie, merci, c'est un échec total, hein, à Toulouse, là. Ah bah. Ah bah ouais, un échec total. En même temps, je suis tombée sur deux meufs qui parlaient pas. Hein. Ah bah ouais, mais ça, c'est la faute à pas de bol. C'est vrai. Bon, bah Kylie, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Je peux passer une dédie? Allez, t'auras gagné ça au moins, mais à une seule personne, vas-y. Bah, je passe une dédicace à Anthony. Très bien. Et le message, c'est qui Anthony? C'est ton mec? Non, c'est un pote qui était avec moi au collège. Ouais, mais t'aimerais bien le pécho? Non, pas du tout. Non, on a compris, t'inquiète pas. Okay. Non, je connais mieux. Ah, très bien. Bon, Kaï, gros bisous à toi, à bientôt, hein. Et gros bisous à toutes. Salut Sarah également, bah bravo à toi, je te renvoie chez Kelly au standard. Attends, chez Lilou. Parce que moi aussi j'aimerais passer une dédicace, j'ai fait la promesse à tous mes... C'est la dédicace ou alors le casque, tu prends quoi? Bah franchement, j'ai promis la dédicace, franchement, fais pas le gamin, franchement, j'ai promis la dédicace. Comment tu me parles, Sarah? Non, s'il te plaît, elle Sarah me sur kiff, en plus Sarah c'est trop beau. Sarah. Moi c'est Like Harlem. Sarah. Sarah. Ouais. Voilà, mais non, on est quitte. Alors vas-y. Bah en fait ma dédicace c'est pour gamer du 772 et tous les tweetos. En fait on a la team tweetos de Mickaël qui va bientôt sortir là. En fait c'est un Twitter spécial pour tous ceux qui te kiffent, tous ceux qui te suivent à fond depuis le début comme moi. Ça fait 2 mois que je t'écoute tous les soirs, voilà. Oh bah c'est gentil Sarah. Pour Magno, Flore et Bago, Dépressoir, gros bisous, voilà. Très bien, bah, les messages sont passés. On essaie de se mettre en top tweet ce soir. On bosse pour ça, t'inquiète même pas. Là, il y a des gens qui foutent pour moi. C'est là, un métier maintenant. Exactement, c'est un grand métier. Bah écoute, je te remercie Sarah, c'est vraiment gentil de ta part et je suis content d'offrir un cadeau à quelqu'un qui est fidèle. Voilà. Il n'y a pas de souci. Exactement. Bah, je te fais des gros bisous, Sarah. Moi aussi, Mika. Je t'embrasse et je rappelle également que tu... Hey Sarah, c'est quoi ton pseudo sur Twitter? Like Harlem, c'est moi qui suis deuxième. Like Harlem, oh, attends, t'emballes pas, t'es combien Non, vas-y, vous m'avez dit mon truc, j'ai appelé, je suis en train de tweeter là. Je rappelle qu'il y a le top tweetos tous les soirs à 2h du mat, on élit donc l'auditeur le plus influent sur le Twitter. Il faut simplement mettre un maximum de hashtags et Mickaël un peu partout dans toutes vos conversations, que ce soit avec nous ou sans nous, peu importe. Et donc ça fait monter dans les stats. Et donc du coup, elle est où là, Like Harlem? Non, ça va, pour le moment, elle est quatrième. Ah, quatrième, t'as perdu 2 places, Sarah, là, t'as une place. T'es à une place de te faire éjecter là. Ah putain, je rappelle qu'on doit prendre le truc. Ah bah non, mais ça c'est. Je rappelle que c'est les 5 premiers qu'on cite et puis le premier évidemment, c'est le top tweetos du soir et c'est pour l'instant Let's Be Freaks encore comme d'habitude. Absolument pas. Ah, non. Bah alors, bah elle est pas là. Parce qu'on a la TTDM là qui est sur le coup. J'ai 3 de mes potos qui sont en train de tweeter au max et ils vont monter, t'inquiète pas. C'est bon ça. Ça c'est un truc d'effort spécial. Exactement, c'est la TTDM. Mais ouais, t'inquiète pas. Regarde, tu regardes mes tweets, il y a toujours TTDM, hashtag TTDM. Bah c'est très bien. Bon, et on salue Banana aussi qui est de retour là depuis tout à l'heure. Elle dit Love, j'adore. Eh ben merci Banana qui est de retour. Bon bah du coup, merci à vous. Et puis bah donc on sait que toi tu es quatrième. On verra comment tu vas finir à la fin de l'émission, Sarah. Je te souhaite bonne chance. Gros bisous. Numéro 1, bisous les. Ouais, on verra. Ciao. Salut Sarah, ciao à toi, bye. Bon alors, retour avec Eva maintenant et avec Anthony. Tiens, Eva, est-ce que tu trouves ça nécessaire de les soutiens-gorge? Bah oui, toi comme t'as un 90D, oui j'imagine. Oui, forcément. Oui, pour moi c'est forcément nécessaire. Bah ouais, parce que je sais pas si t'as vu la photo de Rihanna. Elle était en train de poser, mais tu sais, genre elle est sortie sans soutif, elle avait juste une veste en fait qu'elle avait, elle avait boutonné le premier bouton qui faisait office de soutien-gorge. Et en fait, elle est sortie dans la rue comme ça, en mode à la cool. Moi je l'ai vu ça, mais moi le truc c'est que je me dis, il suffit que, je sais pas, tu fais un faux mouvement ou quoi, le bouton il saute, t'es à poil devant tout le monde, enfin ouais. Je sais pas, un minimum de respect, je sais pas. Ouais, et puis toi dans ton cas, ouais. Le moins de coup de sein et t'assommes quelqu'un quoi. Ah mais c'est ça. Rappelle-nous, c'est bon, rappelle-nous ta taille s'il te plaît. 95D. Oh là là. Ouais, ça c'est. Ah bah, Toff est en train de rêver là. Oh là là, mais je m'imagine déjà entre les deux. Ah ouais, c'est ça. Je m'imagine monter, descendre, oui, enfin. Faire du ski sur ces montagnes. Mais exactement. Faire le tour du téton avec ma langue. Deux structures. Et nous ouais. Skions, moi et Toff. C'est ça. Oui. Dans ces vallées c'est... profondes. Mais oh là là. Baladions. Je vous mets la photo pour ceux qui n'ont pas vu de Rihanna en mode sans soutien-gorge là sur le Facebook, allez voir. Donc voici la photo de Rihanna donc sans soutien-gorge. Et donc est-ce que pour vous c'est indispensable justement les soutiens-gorge? Donc toi j'imagine que oui alors, hein, c'est ça? Ouais, moi forcément c'est obligé, sinon quand tu marches ça fait mal, ça pendouille, non c'est non. Ouais, et puis ça fait bon. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est trop ça, c'est immonde. Non, moi il faut forcément un soutif. Très bien, bon je viens de la poster maintenant, voilà, allez voir facebook.com/Mickaël officiel. C'est Rihanna qui était donc en train de se balader dans la rue à New York. Pas du tout, attendez, j'ai oublié de vous mettre la photo. J'efface le post pour ceux qui viennent de la voir, ne m'insultez pas en me disant oui, tu as oublié la photo, espèce de con. Non, non, c'est normal, c'est moi qui ai fait de la merde. Attendez, je vous la remets en direct live, hein. Excusez-moi, je peux pas tout faire en même temps. Alors voilà, tac, comme quoi qui fait le Facebook, hein, puis avec des erreurs. Alors attention, ça y est, on y va. Hop là. Comme ça, vous la voyez. Attention, vous êtes prêts? 3, 4, c'est parti. Voilà, facebook.com/Mickaël officiel. Je viens tout juste de vous la poster maintenant. À vous d'aller voir. Bon, Eva et Anthony, toi, t'es pour ou contre le soutien-gorge? Moi, pour et contre. Alors, c'est-à-dire, je comprends pas. Bah pour quand ma copine se prend une balle dans la rue et contre quand elle est avec moi. Ah évidemment, ah. Évidemment, toi tu partages pas, enfoiré va. Hein, enfoiré va, enfoiré. Et les filles au standard là, Lilo, Kelly, le soutien-gorge, bah vous avez pas vraiment besoin vous. Hein. Bah, ouais c'est ça, parce qu'on a quand même les deux planches à repasser de la radio quand même, ils sont là. Bah, quoi? Bah oui, non, c'est vrai, j'assume, mais ouais, oui, c'est oui. Ça, on la peut dernière... oh, y a juste moyen de faire quelques plis éventuellement quand on repasse. Bah, mais... La dernière fois qu'ils en ont mis, c'était à 5 ans pour faire comme maman. Hein. Je suis obligée d'aller au rayon enfant dans certaines marques de vêtements, mais parce qu'il n'y a pas ma taille. Non, plus non, actuellement, je suis obligée d'aller des fois au rayon enfant, ouais. Oh. Ah, c'est des choses qui arrivent. Oh, pauvre Lilou. Oh. Est-ce que t'es encore au rayon A? Oui, oh bah c'est moins A, on l'a dit hier, ouais, hein, c'est moins A, en fait, elle doit des seins, en fait, c'est ça. Bon, Anthony, donc dites-nous les autres, hein, est-ce que vous pensez que c'est indispensable ou pas, les filles, les garçons, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, on va en parler dans un instant, pareil pour les musiques aussi qui vous font kiffer, les musiques sur lesquelles vous préférez faire l'amour, on aura l'occasion d'en balancer quelques-unes tout à l'heure aussi, pareil sur les musiques qui vous rendent plus intelligent, par exemple. Et donc, Anthony, toi, c'est quoi la connerie, puisque Eva nous avait appelé en disant que sa pire connerie, c'était... un crash de voiture pendant qu'elle était en train de faire une pipe à son copain et puis bah forcément lui il a fermé les yeux à un moment, il est rentré dans la voiture du mec de devant. Et toi Anthony c'est quoi? C'est en fait je pars avec ma copine voir un copain. Ouais. Et sur la route. Est-ce que retour, tu peux couper ta radio Anthony derrière parce qu'il y a de l'écho depuis tout à l'heure là? Il n'y a pas de soucis. Merci. Voilà, hop là. Voilà. Hop là, parfait. On t'écoute. En fait, et ben je revenais sur la route du retour. Ouais. Et elle commençait un peu à m'exciter, donc je lui ai dit bah vas-y. Mm-hmm. Et on arrive au rond-point et en fait et ben le flic il nous dit de se mettre sur le bas-côté et elle était en pleine action, quoi, elle était en train de me sucer. Non mais attends, au moment où le flic t'arrête, elle pouvait pas remonter ou... Ouais mais bah, c'est en trop fait, tard, t'avais rien dit. Je lui avais rien dit. Ah t'avais rien? Ah ouais d'accord. Ah oui mais toi t'es con. Bah oui. Ah ouais mais toi t'es con alors Anthony. T'aurais dû la laisser lui dire. Ah bah non mais d'accord mais t'aurais pu dire recommencer après. Non t'aurais dû la laisser, tu sais, tu lui dis bon écoute tu bouges pas, les flics vont passer, je donne les papiers et puis tu continues. Ouais et qu'est-ce qu'ils ont dit les flics? Bah ils m'ont mis l'amende. Combien? Ils m'ont mis 90€ et en plus de ça vu que j'avais pas de permis bah... Ah ouais non mais toi t'avais pas le permis donc toi t'es deux fois con en fait alors. Ouais. Attends, toi t'es deux fois plus con toi tu fais les deux conneries en même temps donc tu roules... Mais oui mais t'as 17 ans c'est même pas... ça me percute que maintenant bah effectivement oui. Ouais, donc mais... toi tu roulais sans permis en étant mineur, bravo ouais. Et en se faisant sucer. Et en se faisant, ouais, c'est ça effectivement ouais. Ça te rappelle des souvenirs ça? Hein? Ouais. Hein ça te rappelle des souvenirs? Et le petit à la fenêtre là. Bonjour monsieur. Papier s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont se rendu compte que t'avais pas 18 ans et donc forcément pas le permis? Bah sortez du véhicule, les mains sur le véhicule et tout. T'es, toi, t'es tombé sur la BAC ou juste la police normale? La gendarmerie. D'accord, ok, bon bah ça va encore. T'es tu serais tombé sur la BAC, ils t'auraient cassé les pattes. Ah ouais, mec, je peux te dire qu'il rigole pas là-bas. Alors là, ah là, tu voulais sucer. Oh, attends, ouais. Dans ta gueule. Ça m'est arrivé une fois moi d'avoir affaire ces charmantes personnes. Ah, ils sont sympas. Mais non, mais bah ils sont sympas les mecs, j'avais rien fait. Alors OK, j'avais cramé un feu orange. Brigade anti-criminalité. Ouais, mais je suis pas un criminel. Tu es susceptible. Attends, je passe, le feu était orange. Ouais. Donc je passe. Bon, bah, normal, il faut pas. Non, normal, il faut pas, c'est mal, c'est rare. Que dit le code de la route? D'ailleurs, bon, voilà. Donc, je passe, et puis, ben, donc, moi, je continue ma route, et puis, je les vois arriver, gyrophare et tout, je dis, oh putain, qu'est-ce qu'ils veulent, je m'arrête. Et les mecs, ils me disent, sortez de la voiture, machin, les mains sur le capot. Je dis, ah, vous êtes sérieux? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, machin, et le feu rouge. Et tu sais, moi, comme un con, je dis, t'es pas rouge, t'es orange. Vous êtes ma gueule. Je fais, pardon, ils étaient rouges, pardon, c'est autant pour moi, je suis confus. Et, finalement, ils m'ont rien mis, pas de PV, donc, ils étaient cool à la fin, mais quand même sur le coup c'est pas la est-ce bien nécessaire, mec qui crame un feu orange, de le faire sortir les mains sur le capot, tout le bordel, c'est comme si enfin j'en sais rien moi. On sait pas, il y a peut-être de la drogue dans ta voiture. En fait ils se sont calmés parce que j'étais avec un pote qui était aveugle sur le côté siège passager, et donc du coup ils se sont rendu compte qu'en fait j'étais peut-être un gentil monsieur quoi. Ouais, alors qu'en fait c'était le parrain de la mafia. Ça aurait pu, ouais. Bon attends, on a aussi Teddy avec nous de la Sarthe là. Salut Teddy. Salut. Comment salut, ça va? Ça va bien. Ouais. Bon, tant mieux. T'as vu la photo, toi, de Rihanna, là, sur le Facebook, là, en non, mode... j'ai pas encore vu. Ah merde, bah va voir, hein, en mode sans soutien-gorge avec sa petite veste, là, elle est en mode. Elle est en mode Rihanna, quoi, elle est en mode pas mal, hein. Allez voir, hein, facebook.com/michaelofficiel et partagez avec vos potes, hein, s'ils l'ont pas encore vu ou si vous connaissiez pas non plus, là. Vous allez voir ça maintenant, donc facebook.com/michaelofficiel. Il y a Jonathan d'ailleurs qui dit à ce sujet-là. Un minimum de poitrine quand même. Ouais, c'est sûr que Rihanna, elle a pas non plus. Elle a pas non plus elle a pas la paire de seins d'Eva, quoi. Ah, c'est un peu Lilou Kelly quoi. Ouais. Voilà, je suis rien. Vous avez vu, vous avez même 5 que Rihanna, vous êtes putain. Ah, c'est un compliment. C'est trop gentil, merci. T'as vu? On m'appelle Gentleman. Non, attends, tu vas d'abord attendre qu'on termine. Il y a Pokenio, il y a Paolo, pardon, qui dit elle peut se permettre, elle a pas trop de seins. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, avec Eva là, c'est un peu emmerdant là, 95D, ouais. C'est sûr. Bon, Teddy, dans un instant, toi, tu vas nous expliquer que toi aussi, t'as un petit problème au niveau de la meuf, une connerie, ça c'est quoi l'histoire? Oui, voilà, donc hier, j'écoutais votre radio et vous parliez au niveau des connards et des connasses. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, moi, j'étais tombé sur une connasse, en fait. Bah, tu vas nous raconter ça dans un instant, Teddy. Oui. Bon, bah, bouge pas de là, très bien, Anthony. Bon, allez, vas-y, la dédicace à une seule personne, hein, vas-y. À deux. Ah non, à une personne, Anthony, choisis la bonne. Ah, bah, je la fais à Camus et à Eva. Et voilà, t'as essayé de m'enfumer, Anthony. Au revoir, Anthony. Eva, encore un truc à ajouter? Je voudrais bien avoir un petit sticker pour pouvoir penser à vous. Mais avec plaisir, Eva. Tu le mettras sur tes seins. Et tu nous feras une photo du décolleté. On verra. Attends, moi au niveau du décolleté quand même, Eva. On verra. Déjà, il faut que je l'aie et après on verra. Genre on est des menteurs, évidemment que tu vas la voir là. Lilou, prends l'adresse d'Eva tout de suite. Non, mets le micro, si t'avais un casque, tu entendrais que tu parles dans un micro éteint. Oui, chef, et j'ai un casque, il est là. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il est sur le côté. Ouais. Il est là, tu sais, il le montre alors qu'il n'est pas sur ses oreilles. Oh, je vous jure, aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, Eva, pas de problème, tu vas gérer ça avec Lilou et Kelly, là, on va t'envoyer les stickers tout à l'heure, tu l'auras demain ou après-demain. D'accord, bah super, bah merci à toute l'équipe et puis gros bisous et bonne soirée à Eva. Tous. À bientôt Eva, salut. Ciao. Allez, ciao à toi. Bon, et puis si vous voulez aussi votre sticker, n'hésitez pas, lilou@funradio.fr. C'est le numéro du store du merde, c'est le mail de Lilou. Ouais, en deux fois. Pour vous lui mettez vos coordonnées complètes et elle vous enverra avec plaisir les stickers. Voilà, stickers. Regarde avec haine. Stickers de l'émission. Je me suis suicidée. Non, mais genre chaque matin, genre je dois avoir mes 600 mails, c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais. Donc si vous ne les avez pas demain ou après-demain, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est si normal. Jamais après 48 heures vous n'avez rien, refaites un mail à Lilou. On ne sait jamais. Je promets qu'elle est bien reçue le premier mail. Non, mais je promets que j'enverrai tout, je le promets. C'est juste que ça met un peu de temps. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas de réponse, parce que apparemment elle s'engage à répondre à tout le monde. Non, je peux pas répondre à tout le monde. Non, non. Je elle s'est engagée. Non, non. Voilà. L'engagement est bravo, fait. Lilou. J'envoie tout, mais je c'est réponds pas. C'est toi la meilleure. Voilà. LILOU@funradio.fr. Surtout, n'hésitez pas, bien entendu. Bon, Teddy, dans quelques instants sur Fun Radio. On va reprendre également Xavier dès que je le récupère. En tout cas, hein, Xavier pour la colle de ce soir. Allô, Xavier. Ouais. Ouais. Alors la colle, la réponse est dans 20 minutes et on va voir comment ça va se passer. Je rappelle qu'il y a un iPod Nano à gagner sur le Facebook de l'émission, mais pour ça il faut répondre correctement à la colle. On t'écoute, Xavier pour la colle. Ben comment on fait, avec quoi fait un rat pour se faire beau? Comment on fait un rat pour se faire beau? Comment fait un rat pour se faire beau? Je rappelle que l'énoncé et tout est disponible sur le Facebook de l'émission. Il y a la photo de l'iPod Nano. Vous cliquez dessus, vous laissez votre réponse dans les commentaires et on fait un tirage au sort dans moins de 20 minutes parmi les commentaires. Il y a Pierre-André aussi sur le Facebook qui dit avec un râteau. Ouais, avec non, un rabot, pardon. Rabot. Mais non, c'est toujours pas ça. Non, il prend de l'eau de colonne. Non plus. Colonne. Il y avait quoi aussi? Où est-ce qu'il est? Ah ben c'est tout pour l'instant, autant pour moi. Bon, alors du coup, c'est toujours pas ça. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous de jouer facebook.com/mikaelofficiel. Il faut répondre à la colle de ce soir. Comment fait un rat pour se faire beau? Vous avez jusqu'à minuit 30. Xavier, on te récupère tout à l'heure, d'accord? Ok. Bon, parfait. Bouge pas de là, Xavier. Tu regardes la télé, toi ou pas, Xav, en règle générale? Ouais. Ouais. Est-ce que tu regardes, par exemple, une magnifique émission qui s'appelle... comment s'appelle-t-elle encore? L'île des vérités, par exemple. Non, du tout. Non, tu ne regardes pas l'île des vérités, c'est dommage, puisque dans l'île des vérités, eh bien, on revisite toujours la langue française, hein, cette fois-ci avec... ouais, cette fois-ci avec Manon. J'ai avec délicatesse. Pas très compliqué en même temps. Non. Ouais. Un peu très très chiant, quoi. Tu sais, quand je me réveille le matin, je me dis, bah waouh, super, je vais aller éplucher un tronc. Je vais aller éplucher un tronc, oui, c'est... Non, c'est l'île des vérités, quoi. C'est... Je vais aller éplucher un tronc. Oui, c'est une belle expression. Et puis, si vous cherchez un prénom pour vos futurs enfants, dans les deux scouts de midi, on a trouvé les prénoms top tendance. Attention. J'attends un petit Aladdin ou une petite Jasmine. Oh putain, vous allez l'appeler Aladdin ou Jasmine? Oui, c'est prévu, oui. Oui, c'est prévu, effectivement. Aladdin ou Jasmine. Aladdin ou Jasmine, hein, bon, si vous êtes et Jafar aussi, si vous êtes sur le point d'accoucher, bah vous savez, hein, si vous hésitez sur un prénom, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Teddy dans un instant le retour, Xavier qu'on va récupérer également, vous en direct bien sûr, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On écoute maintenant un son qu'on avait demandé tout à l'heure, tiens, Wake Me Up, le son d'Avicii qu'on écoute maintenant, c'est Mickaël No Limit et on est en direct jusqu'à 2h sur Fun. Feeling my way through the darkness. Eh ben merci les gars, le son d'Avicii avec Wake Me Up à l'instant. Et puis vous avez réussi à nous placer en top tweet ce soir. Merci à vous deux. Oh là là. Les récompenses tout à l'heure évidemment avec le top tweetos, hein, ce sera à 2h du mat. Si vous voulez d'ailleurs être top tweetos, c'est-à-dire l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission ce soir, et donc l'auditeur de la soirée, le meilleur de la soirée, à vous de placer un maximum de fois le hashtag Mickaël sur Twitter quand vous discutez tout simplement. Et il y a fan de Mickaël qui dit un petit coup de tronçonneuse, ça manque là. Elle est à l'entretien, parce qu'il y a le moteur qui a bloqué la dernière fois, je devrais la récupérer demain la tronçonneuse. Il y a Marie qui dit faisant la même taille qu'elle, je suis de son avis, c'est indispensable les soutiens-gorge. Et Petit Panda qui dit Mickaël, c'est ta voix Mickaël qui me rend intelligente. Oh merci, oh, Petit Panda. C'est beau. Tu sais que nous on aurait été vachement plus intelligents si tu nous avais ramené le petit gâteau quand tu nous avais promis il y a 3 semaines. C'est vrai. On est en manque là depuis, on n'a plus mangé. Hein. Ouais. Il y a Harris aussi qui dit Mickaël, t'es le meilleur. Merci Harris. Diams aussi qui dit pourquoi être contre? On est des humains, après tous les nudistes existent d'ailleurs, effectivement. Et alors il y a Jean-Luc qui dit la photo sale con. Elle est là. Photo. Elle est, la photo de Rihanna là, sans soutien-gorge là sur le. Sans soutien-gorge, mais elle a quand même une veste, hein, donc c'est ça, ouais. C'était sa mode en fait en l'occurrence. C'était de mettre une petite veste juste avec un seul bouton qui faisait office de soutien-gorge et office de tout et n'importe quoi. Donc allez voir ça, facebook.com/mikaelofficiel évidemment. Message de Banana qui dit je suis un mec, petit moment de solitude. Ah pardon Banana, je pensais que t'étais une meuf. Bon on est désolé. Non, on est... Parce qu'il a la grosse banana. Ouais voilà c'est ça. Bon on est déçu Banana. Bon bah tu peux partir là. Gabriel qui dit j'écoute du heavy metal pour me relaxer. Ah ouais, ça relaxe. Ouais. Et alors Gaetano qui dit on veut la musique du renard. Ah ouais, je pense que la musique du renard, effectivement, je pense que ça peut vous relaxer, car effectivement, que fait le renard? What the fuck, voilà, mais il peut également faire... What the fuck, voilà, puisqu'on on sait grâce à cette chanson que le chien fait waf waf, que le chat fait miaou miaou, que la vache fait meu meu, mais que fait le renard? C'est toute la question, évidemment. Si vous voulez aller voir le clip, il est toujours sur le Facebook. On vous l'a mis dimanche soir, puisqu'on vous avait fait découvrir cette chanson avant tout le monde dimanche soir. Et ben, vous pouvez aller voir le clip également, donc sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, Gaëtan, tu l'as eu ta petite chanson du renard, la Colline qui dit spécial dédié à la team Twittos de Mikael et au lycée Michelet à Lannemezanne ou Lannemezan, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, le message est passé, Colline. Et Mathias qui dit le jeu de Je t'emmerde, il était excellent. Ouais, c'est vrai qu'il était meilleur que celui d'hier, pour le coup. Clem qui dit on n'a pas eu le petit pet pause caca. Mais si, tu l'as eu là. Voilà, il est de retour, voilà. Nos malaises. Toujours avec plaisir. Ah bah évidemment, évidemment. Bon, Teddy. Oui. Oui. Alors, Teddy, t'appelles de la Sarthe, toi donc. Et oui, on va parler ensemble du problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème. Enfin, dis-nous, c'est un problème ou pas? Bah, c'est plus un problème maintenant. Bon, ça ne l'est plus. C'est réglé, mais... Ouais, c'est juste une histoire, quoi. Ouais, voilà. Bon, alors, vas-y, fais péter, on t'écoute. Donc, voilà, il y a un an de ça, je suis sorti avec une fille. Et vu que je suis pompier, et malheureusement, en intervention, j'ai pris quelques risques. Ouais. Et suite à ça, cette fille-là m'a carrément dit, tu choisis entre moi et les pompiers. Non, mais pourquoi? Attends, les meufs, elles sont excitées d'habitude par les pompiers et tout, c'est les fantasmes les plus... Oui. On en a parlé hier en plus avec la fille, là, comment elle s'appelait, Vanessa, je crois, qui nous avait dit que les pompiers, justement, c'est son kiff, ou Léa, je me souviens plus. Donc, voilà, suite à ça, donc elle m'a fait une proposition de choisir entre elle ou les pompiers. Et alors, t'as choisi quoi? Bah, j'ai choisi les pompiers. Non, mais franchement, t'as bien fait après. Tu tombes sur une meuf qui te demande de choisir entre ton métier qui en plus est une passion, parce que quand t'es pompier, faut faire ça par passion. Bah voilà, tout à fait. Et puis moi, voilà, j'ai depuis l'âge de 3 ans, donc... Mais oui. Et attends, parce qu'elle peut éventuellement avoir une bonne excuse de te demander ça. Si c'était quoi son excuse? Après, je donnerai mon idée. Bah, son excuse, c'est tout simplement suite à une intervention, voilà, il s'est passé des choses et... Bah, c'est-à-dire, il s'est passé des choses. C'est que j'ai mis ma vie en danger, donc. Ah ouais, d'accord. Bah, j'allais dire ça. Effectivement, c'est une excuse. Genre, c'est dangereux. Effectivement, je peux comprendre qu'elle soit en stress et qu'elle te demande d'arrêter. Mais à côté de ça, tout est dangereux. Tu sais, tu vas marcher dans la rue, tu peux te faire écraser. Tu roules en voiture, tu peux crever aussi. Enfin, tu peux crever tout le temps, tu vois. Donc, vu que quand on est sorti ensemble, elle savait déjà que j'étais pompier, donc elle savait. Les risques du métier. Oui, non, mais voilà, c'est ça, exactement. Alors du coup, comment ça se passe? Donc elle était pas en kiff sur la tenue de pompier, non? Au début, si, elle était en kiff, mais après, par rapport à ça, non, c'était fini. Non, parce que si vous voulez, les filles, nous avons de belles tenues, hein, de belles tenues. On est des pompiers, nous. De belles tenues d'animateur radio. Oui. Nous avons une... Ah non, mais attention. C'est vrai. Il y en a plein comme ça, des filles qui sont... Tu vois, parce que maintenant c'est terminé. C'est l'uniforme. Mais voilà, l'uniforme de pilote, l'uniforme de gendarme, l'uniforme de l'armée, tout ça. Pff. Regardez ce magnifique tenue. Je pense que quand même la tenue des pompiers. Et quoi tu dis, Polo? Non, je disais que Toff faisait des interventions spéciales sur son scooter en plus. Exactement, oui. D'ailleurs, on l'a équipé, hein, le scooter. Ouais. Alors écoutez, parce que on a fait les travaux là cet après-midi là maintenant. Oui. Et ouais. Maintenant, on a mis la sirène également. Alors, attention. Nous avons remarqué. Merde, pardon, je me suis bourré le bouton. Oui, c'est moi. Non. C'est oui, moi. Bah ça arrive même au meilleur. Hein, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà. Alors, attention, maintenant, il est équipé. Attention. Classe. Allez, ou pas? Quand même, pour aller plus vite en intervention. Bah ouais. C'est pour aller plus vite, on a mis le gyrophare. Y a pas une fille là pour te faire une intervention. Ça avance pas vite un scooter. De quoi t'es dit? Ça avance pas vite un scooter. Non mais écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. On fait ce qu'on peut même. Hein. Y a le nitro là, nitropé, mec. Ah ouais, attention, pas, mec, attends, parce qu'on a le nitro, t'as déjà vu Fast and Furious? Oui, j'ai déjà vu. C'est des ringards à côté de moi. Eh ben regarde, regarde, ça c'est la version normale, enfin la version normale tu viens d'entendre, et ça c'est la version avec le nitro. Voilà, et en pleine vitesse. Et hop, ça va encore plus vite. Non, attends, tu crois, on est équipé à feu, non? Oh, faut pas déconner quand même. 200 km/h. Hein. Minimum. Bon, au-delà, ça branle un peu, hein, mais minimum. J'ai du mal à maintenir droit, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. À tout moment, elle peut partir en sucette, évidemment, donc faut faire attention avec le scooter. Bon, dites-on les filles d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'il y a comme chanson là? Qu'est-ce que vous préférez? On va faire un petit battle entre les mecs et les filles pour voir si vous pensez pareil. Sur quel style de chanson vous êtes plutôt chaud pour faire l'amour? Vous préférez, je sais pas moi, un style de chanson comme ça, par exemple? J'en sais rien, moi. Un petit bouillard. Voilà, genre ça. Voilà, musique de lover, préférer faire l'amour là-dessus. Voilà. On est bon là. Ah, on est bon ou on est pas bon là? Ah, on est bien. Mais c'est. Voilà, donc par exemple ça, ou alors éventuellement sur ça. Voilà. Ah, ça c'est bien au rythme ça pour. Ah ouais, là, là. Là t'es bien au rythme. Et là tu. Et en même temps Bouya ça fait comme Bouya. Eh bah ça exactement ouais. Ou alors donc il y a ça. Alors vous préférez peut-être faire l'amour, j'en sais rien moi sur qu'est-ce que je peux vous mettre aussi un autre style. Alors sur attendez. Sur Papa Outé moi j'aime bien. Sur Papa Outé on peut faire aussi ouais. C'est un peu glauque quand même hein. Bah si c'est Papa Outé dans maman. Voilà, ou si vous préférez comme tout à l'heure faire éventuellement sur ça. Voilà à voir hein. C'est vous qui choisissez là, dites-nous tout simplement. Ah il est en ce pas pareil hein. Donc à vous de nous dire là. Vous préférez faire l'amour sur quel style de musique là? On en parle sur Fun Radio, balancez vos messages maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et toi Teddy, c'est sur quel style de musique tu préfères faire l'amour? Bah sur une musique douce. Sur une musique douce comme ça? Only you. Non t'es sérieux Teddy avec ça là? Ah bah il faut jouer le romantique avec les. Non mais t'es pas romantique là, t'es ringard avec ça, t'es sérieux? Non mais c'est vrai, t'es en train de déconner. Alors toi c'est plus là-dessus lui hein. Voilà, c'est là-dessus qu'il aime bien l'utiliser. Et c'est là que je sors ma petite perruque. Et alors, et Lilou et Kelly au standard là, comment ça se passe? C'est sur quelle musique? Lilou, allez, allez, attends, allez. Au hasard. Lilou. Non, moi sur aucune musique. Moi, je sur quoi? Sur aucune musique. Arrête ton cinéma, c'est quelle moi musique qui fait la musique. Bah, fais la musique alors. Non, bah non, pas là. Tof, vas-y, occupe-toi d'elle pour. Bien sûr. Pour qu'elle fasse la musique. Tu fais la musique. Fais la musique. Bah, le pouce, c'est le plus gros. Ouais, mais c'est le plus court. Ouais, mais. Bon, quelle musique? Non, vraiment, sur aucune musique. Quelle musique? Ah, ok, Laurie. Eh, hey, t'es sérieuse, Alilou? En fait, mon mec est gay, donc j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu racontes, Lilou, dehors. Non, je... Bon, Kelly, quelle musique? Non, je dirais un petit Usher. Un petit Usher? Ouais. Ok, d'accord, ouais, ok, non, pourquoi pas. Bon, dites-nous, vous, là, comment ça se passe? N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous envoyez tout simplement votre message maintenant sur le Facebook. On va mettre le petit post aussi, là, sur quelle musique... Bah, je l'ai déjà mise, d'ailleurs. Hein, sur quelle musique vous préférez faire l'amour, par exemple? Quelle musique vous aide à être plus relax? Alors, il y a Laura qui proposait Laurine avec Euphoria. Marie Imouni qui proposait Im. Ah ouais, Im, c'est la chanson de Nutella. Je sais pas si vous voyez la chanson, une chanson un petit peu rock soft comme ça, dans la pub Nutella. Alors il a aussi, ah ouais, Jérémy il y connaît hein, lui, hein, de Prodigy avec Smack My Bitch Up. Wow, c'est violent. Bah là en même temps tout est dans le titre hein. C'est vrai. Bah Smack My Bitch Up ça veut dire ce que ça veut dire hein. Alors il y a Greg qui dit Matt Houston avec Positif ou Kin V avec Ma Vie au Soleil. Mec t'es sérieux, tu niques ta meuf avec Kin V? C'est vrai? Non mais, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sérieux? Avec Kin V? Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de nous? Bah, j'ai l'impression là quand même. Hein. Bon, balancez vos messages maintenant là, facebook.com/michaelofficiel. Jonathan qui proposait Matt Houston avec R&B de rue. Il y a Alexandre qui dit Metallica avec Master of Puppets. Ah ouais, ça c'est quand même dur aussi. Ça, enfin dur, c'est violent quoi. Avicii pour Evin. Il y a Hamilton qui dit No Stress. Qu'est-ce qu'on proposait également là? Avicii encore. Gorillaz aussi avec Feel Good Inc. Big Ali pour se détendre, c'est François. Qu'est-ce qu'il y a aussi Renault? Oh là là, putain Michel, t'es sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Arctic Monkeys, Papa Outé, bah ouais, ça c'est Yann qui proposait ça, tiens justement, c'est comme Polo. Perso c'est Hairstyle, Macklemore aussi pour Raph, certaines musiques de films pour Maximus, et alors plus old school, genre Tupac, Nas, Gangstar aussi, du bon vieux son, c'est Karim. Voilà, donc continuez à nous donner vos avis maintenant sur le Facebook, facebook.com/michaelofficiel. Et toi Xavier? Ouais. Quel style de musique te fait kiffer, toi, pour faire l'amour? Ouf, alors là, ça dépend. Bah oui, mais ça dépend, mais par exemple, une musique comme ça. Daddy Yankee. Daddy Yankee, ok, ah, Daddy Yankee, donc t'étais plutôt... Reggaeton. Toi, tu préfères les latinos, toi, c'est ça? Ah oui. Eh ouais, mais voilà, mais papi, pourquoi reggaeton. Pas reggaeton. Très bien. Alors, il y en a d'autres qui sont arrivés, là, en termes de messages, là. Ah, il y a Petit Panda qui dit, moi, je vais faire l'amour sur Bouya, c'est le kiff. Ah bah, écoute, si tu veux, alors attention, je te laisse quelques instants, là, comme ça. Voilà, Petit Panda, j'espère que tu prends ton pied. Et Et il y a Banana aussi qui dit, moi c'est sur le pipeau de Polo que j'ai envie de faire l'amour, bah, pas de problème. Et voilà, il y a Mathias aussi, j'aime bien faire l'amour sur du Slipknot, ça met du rythme. Ah oui, ça c'est sûr que ça met du rythme. Fan de Mickaël sur Marvin Gaye, là, c'est une tuerie Marvin Gaye. Ah ouais, il est pas mal le son de Marvin Gaye aussi. Alenko qui dit, est-ce que Toff a prévu d'ouvrir une concession de scooter? Bah non, il en a qu'un seul, non, c'est un modèle unique. Ah ouais, Caro aussi qui dit, je rêve de faire l'amour sur du Requiem for a Dream. Et puis DJ Bobru qui dit sur Madness de Dimitri Vegas également. Ouais, pourquoi pas. Bon, plein de messages qui sont arrivés. Là, on va prendre également dans un instant Pierre-Antoine là, pour l'amour. Et donc bah, on va parler également là des tenues qui vous font rêver les filles là. Parce que Teddy, oui, quand on était dans les fantasmes de filles, là, pompiers, la musique, etc. Puisque le bon, pompier c'est les fantasmes de filles en règle générale. Oui en général. On est d'accord. Kelly, un pompier. Ouais, pompier. Il arrive avec mal. Sa grande lance, etc. Très sexy. Elle est où Lilou encore? Elle est partie chercher une grosse lance. Ah c'est vrai, tu vois qu'elle s'arrête là, on est d'accord. Et donc toi Teddy, c'est quoi le type de filles qui te font fantasmer? Moi, je suis pas de genre spécial. Mais y a pas genre infirmière ou tu vois Ouais, une petite infirmière. Non, bah et on crache pas dessus. Enfin si, mais je veux dire, façon non. De parler quoi. Surtout quand on voit quand c'est les moments de l'été. Ah bah c'est ça, mais on se rien en dessous. Bah, ouais. Bah c'est ça. Et puis alors selon le site masculin masculin.com, c'est les mecs qui fantasmeraient sur les MILF. Alors qui sont les MILF, Polo? Mother, I like to fuck. Voilà, donc en gros, c'est les mères. C'est quoi. Les mères, voilà. Peu importe c'est... l'âge, c'est des femmes mûres. Pas forcément. Pas vieilles, mais mûres. Voilà, bah, 40 balais, quoi. C'est voilà. Des mères de famille. Voilà, non, tout simplement. Trentenaire. Voilà. Ouais, 30-40, quoi. Et t'as 25 ans, t'es une mille. Enfin, si t'as des enfants, t'es. Bah, une si t'as des mille, oui, si t'as des. Ouais, exactement. Et les teens, pardon, qui sont off. Bah c'est les genre étudiantes quoi. C'est ouais, les jeunes c'est quoi. C'est les ados post-ados quoi. Ouais. Asiates sur YouTube. Voilà. Catégorie voilà. Préférée de Polo. Voilà, donc apparemment sur les MILF et sur les teens, voilà. Donc bah donnez-vous vos avis également, hein, n'hésitez pas. Oui, Toff. Non, je dois dire la vérité avec Polo, nous quand on est parti à Miami cet été, effectivement on était bien sur les MILF. Hein. Ouais, on était c'est-à-dire toutes les MILF américaines, on était derrière. Hein. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'était notre petit kiff. Moi, ouais, mais écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est un plan comme un autre. Bah oui. Bah voilà, moi, exactement, mais exactement. La MILF est une femme d'expérience. Mais ça. Sans déconner, effectivement, ouais. Bon, Xavier, attends, il y a Pierre-Antoine aussi qui est avec nous, là. Salut Pierre-Antoine. Salut, comment ça va? Là, ça va pas mal, et toi? Bah ça va bien aussi, tranquillement, non, Pierre-Antoine. 18 ans, toi, ouais. du 74. Voilà, tout à fait, ouais. Bon, alors toi, c'est sur quel style de musique que t'aimes bien faire l'amour? La Ménélic. La Ménélic, c'est-à-dire la chanson de Ménélic à l'époque, là? Ouais, le chanteur, là, j'aime beaucoup ce mec. Mais t'es sérieux? Ouais. Genre là-dessus? Ouais, voilà, ouais. T'en mets plus loin, Toff, là, au milieu, là. Là-dessus, là? Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Là-dessus? Ouais, voilà, ouais. Oh mec, je vois bien ta meuf, c'est qui arrive. Oh, mets-moi une musique romantique pour faire l'amour. Pas de problème, attends ma chérie, regarde. Oh les bâtards. Et des exploits. Oh putain. Mais comment ça se fait, Pierre-Antoine? Il y en a qui sont beaucoup plus douces, hein. Ah parce que ça c'est dur ça? Bah ça c'est moins doux disons. C'est moins doux. Alors attends, on en a une autre là si tu veux éventuellement là des fois que. C'est comme ça ceux qui se souviennent pas peuvent entendre. Oh putain, tout baigne. Je me souviens. Ouais voilà ouais. Tout baigne. Putain, ça a pris un coup de vieux, c'est une violence. Ah et c'est comme violent hein. Qu'est-ce que t'en penses toi Teddy? Ouais c'est pas terrible. À côté. Ouais. Oh putain. Non mais t'es déjà tombé sur une meuf qui était contente de faire amour là-dessus? Bah écoute. Non mais sérieux vraiment Pierre-Antoine? Bah ouais sérieux. Tout baigne. Bon là, on va arrêter. Ouais toi t'es dans la place. Tout baigne. Julie est dans la place. Lilou à ses règles. Voilà, oh mon dieu qu'on est au top avec ça là, effectivement ouais. Pardon, excusez-moi, j'ai attends, attends, t'en as mis en deux en même temps, c'est une horreur. Il est presque DJ hein. Ouais. Je poursuis le but dans un but d'union. Ah c'est encore un autre. Donc tu fais l'amour là-dessus. Voilà, comme ça vous a donné une idée hein, sur quoi Pierre-Antoine fait l'amour. Non mais c'est bien. Il y a Banana qui dit t'imagines le mec qui baisse sur du RM check. Ah putain ouais, ça par contre c'est violent hein. Mathias qui dit Mika Colin a une chauve-souris dans sa chambre, balance-lui un lance-flamme dans sa gueule s'il te plaît. Ah, Batman. Avec plaisir. Voilà. Et Petit Panda qui dit merci, j'ai atteint l'orgasme grâce à vous. Et bien si on peut rendre service, Petit Panda, c'est toujours avec plaisir. Miss Carter qui dit Patrick Sébastien pour faire l'amour, c'est pas mal. Ouais, mais si tu veux vraiment que la meuf elle se barre. Il y a Miguel aussi qui dit j'aime entendre le son de mes couilles claquer et le cri de ma nana en action. C'est le son qui me met en extase. Ouais, évidemment, contre ça, je peux pas dire grand chose non plus. Dams qui dit faire l'amour sur du Axel Tony, c'est le kiff. Fan de Mickaël qui dit je fais l'amour sur le pipeau de Polo là. Bah, on l'a fait tout à l'heure. Et DJ Bobru qui dit ah aussi, tiens, sur l'amour de. Sur, faire l'amour sur le pipeau de Polo. Bouya, c'est parfait, c'est Miss Carter et Chris Isbach qui dit mort de rire, ça me tue le son du scout en mode intervention. Hein. Ouais, si vous avez un problème, vous faites appel à nous, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, Xavier, dans un instant, là, on va se faire le résultat de la colle. Mais avant cela, qu'est-ce que j'allais dire maintenant? J'ai oublié, c'est pas grave. Ah oui, Teddy. Oui. T'as écouté hier, toi, quand on avait appelé là, les gens là pour les couilles? Oui, j'ai écouté, oui. Ouais, très bien, parfait. Parce que donc ça, c'est ce dont on parlait hier. On a mis d'ailleurs un petit extrait. Et puis, ouais. Et puis il y a Jules qui m'a envoyé un article sur le concours du plus petit sexe. Alors ça se passait à New York. Bah ouais, ça se passe à New York. Et apparemment la plus petite bite du concours était de 7 cm. Alors je trouve ça encore pas mal, hein, 7 cm. Ouais, pas mal, 7 cm. Ça fait combien chez toi, Pierre-Antoine, comme on a que des couilles là dans le standard? Je sais pas, moi 1m20 je crois. Mais oui, oh, Pierre-Antoine. Mais oui, Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Ouais. T'en la joues? Ouais. Voilà. Par contre, il faut pas mesurer à partir du talon, hein. C'est, ouais. C'est juste au-dessus des couilles qu'il faut mesurer. Exactement. Teddy, ça fait combien chez toi? Non, ce qui est chiant, c'est que ça fait 15-16. 15-16, et toi Xavier? Mais je la mesure pas moi. Non mais à peu près, tu sais si elle fait 5 cm ou 20 cm quand même. 25 mètres et demi. Non, 32. 32. Xavier. Xavier. Non. Xavier. C'est pas bon. Entre 16 et 20. 16 et 20. Et oui. Oh là là, eh oui, bah oui, très bien. Bon bah Tof, tu vas partir pour nous chercher la plus petite bite d'op. Mais j'y vais. Hein? Je monte sur mon scooter. Tu montes sur ton scooter en mode nitro, faut que ça aille vite. Ouais. Hein. Ah putain. Non, opération spéciale avec bah, opération spéciale. Tout, hein. Opération spéciale. Voilà. L'OPSP est parti, là, on y est bon là. On va pouvoir faire un petit appel maintenant là. Bon, alors j'ai plusieurs numéros de téléphone là qu'on a reçus là. Pierre-Antoine, Teddy, Xavier Volodit. On peut aller en Corse, on peut aller à Paris, on peut aller à Charleroi. Oui, on peut aller en Corse. En Corse? Ah oui. Bon, d'accord, ok. Vous êtes-tu conscient qu'on va avoir des problèmes hein? Ouais, c'est pas grave. Ouais, je suis pas grave. Bah non, c'est pour notre gueule, évidemment. Bon, c'est pour la gueule de toi. Mais de toute façon, il est en mode mission là, donc, ouais, donc il peut y aller. Sa carte et voilà. Tout. Au pire, je remonte sur le scooter, je me barre. Hein. Mais oui, c'est ça. Bon, on appelle en Corse dans un instant. Vous bougez pas, les gars. J'aimerais bien avoir des filles au standard aussi là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 puisque j'aimerais eh bien parler d'amour avec vous, mesdemoiselles. Sur quelle musique vous préférez faire l'amour, qu'on puisse voir un petit peu. Je compte sur vous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Xavier, on donne la réponse à la colle dans un instant, d'accord? Ouais. Bon, bougez pas de là. Comment fait un rat pour se faire beau? Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez gagner votre iPod Nano, eh bien, à vous de jouer maintenant. facebook.com/michaelofficiel. Vous cliquez sur la photo où il y a l'iPod Nano. Vous balancez votre réponse et je vous tire au sort juste après. Attention, petit panda. C'est pour toi que je mets ça. Tu vas pouvoir monter directement au 7e ciel. Le son de Showtek et Booyah. Yes, all we care about is somebody keeping them good vibes in the air. Voilà, jusqu'au bout, le son de Showtek avec Booyah. J'espère que t'as bien kiffé, petit panda, là, qui avait demandé, là, qui avait bien faire l'amour là-dessus. Voilà, c'est fait. Si on peut rendre service, nous aussi, on est là, évidemment, tous les soirs, sans problème. Plein de messages de Mathias aussi, notamment, qui dit, Mickaël, c'est plus l'agence Tourisque, c'est l'agence Pose Caca, maintenant, avec Tof. Ah, bah, bien sûr, évidemment, il est toujours là pour oui, si vous avez un problème que personne ne peut vous aider, Pose Caca arrive. Exactement. Il est là avec son magnifique, scooter, 25 cm cube, la grande folie, évidemment. Attention. Après la Batmobile, le scoot caca. Exact, le caca mobile. La c'est caca plutôt mobile. Ça. Cédric qui dit j'ai un contrôle demain, enfin plutôt ce matin, mais je vais quand même vous écouter jusqu'au bout. Là, vous êtes énorme. Merci Cédric. Et alors Émilie qui dit attends, c'est quoi? Qui dit tu serais pas le frère de Bertrand Chamleroy par hasard? Ah non, pas du tout. Si, il y a un petit truc. Si, il y a un truc. Ouais. Si. Ouais, c'est un chroniqueur, on touche pas à mon poste, c'est ça? Ouais. Il y a un truc. Oui, bah il est brun, il a les cheveux bruns, ouais, si, bah, comme plein quoi. Même physiquement, mais c'est un beau gosse, hein, Mike. Non, mais d'accord, non, mais je dis pas si, le contraire. Ouais. Mais on dirait ton petit frère, sérieux. Mais t'es sérieux. Vaut mieux ressembler à ce mec-là qu'à Toff. Non, ça d'accord, c'est vrai qu'on est plutôt frères jumeaux, voilà. On est jumeaux. Bon, je vais vous mettre la photo sur le tweet, sur le Facebook et le Twitter, vous me direz si effectivement on trouvait qu'il y a un air de famille. Bon, moi je trouve pas, oui, bah voilà, il est brun, les yeux bruns comme moi, bon, bah voilà. Ah, si, moi je trouve bien un petit. Ouais, peut-être. Il y a Marine qui veut faire l'amour sur du Zouk. Cédric qui dit je suis là depuis une semaine, vous écoutez que du bonheur. Attends, c'est quoi? À vous écouter, c'est que du bonheur, vous déchirez tout. Merci de lire, s'il te plaît, Mika. Bah voilà, Cédric, et puis sois le bienvenu surtout. N'oublie pas d'ailleurs de prévenir tous tes potes, hein, bien sûr, hein, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio, de 23h à 2h du mat la semaine et de 20h à minuit tous les dimanches soirs. Mickaël qui dit appelez Toff, appelez la police pour massacrer Toff. Mais ils sont pas venus, les flics, là, ils faisaient une ronde dans le 12e et je les avais invités à venir à la radio, ils sont pas venus encore. Mathilde qui dit demain, je vais le fatiguer, je vais me coucher à 2h, je dois me lever à 6h30, je vais dormir que 4h. Ouais, mais bon, écoute, au moins t'auras passé une bonne soirée, enfin j'espère évidemment. Bon, tous vos messages qui arrivent en direct évidemment sur le Facebook, Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel. Pareil sur Twitter, sur Instagram, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un follow et moi aussi je vous ferai un follow bien entendu. Et puis on s'écoutera aussi tout à l'heure du son de Martin Garrix. Voilà, Martin Garrix que je vous passerai tout à l'heure et puis un son que vous avez fait découvrir également, le nouveau son de Manian avec Florfa. Manian et Florfa là, ce sera Just Another Night sur Fun Radio. Ah, c'est ce qui arrive avant 1h du mat, hein. Si vous voulez choisir vos sons là, d'ailleurs n'hésitez pas, hein, hashtag Mickaël, vous n'hésitez pas surtout. Bon, qu'est-ce qu'il y a Florian, non d'abord on va prendre Xavier, autant pour moi, et puis on va appeler encore, c'est également Xavier pour la colle, tu es là? Ouais, je suis là. Très bien. Alors Xavier, donc toi tu avais la colle, tu as balancé tout à l'heure, comment on fait un rat pour se faire beau? Ouais. On va donc appeler maintenant un gagnant, une gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant, qui a été tirée au sort via le Facebook ou via les SMS, puisque vous pouviez jouer sur les deux, et bien si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle n'a pas la bonne réponse ou qu'au contraire elle ne décroche pas, elle perd, tu gagnes. Xavier, d'accord? Ah mais moi je veux gagner. Ah bah je me doute. Bon, on verra bien. Maintenant c'est le moment de vérité pour gagner l'iPod Nano. C'est parti, on appelle. Allez. On compose au hasard. Si la personne décroche, c'est gagné pour elle si elle a la bonne réponse. Sinon c'est nous. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Amandine. Plus vite que son ombre, Amandine. Amandine, c'est Mickaël, tu es sur Fun Radio? Oui. Ça va? T'es où là, Amandine? Chez moi. D'accord, ok, très bien. Bon, Amandine, t'as quel âge? 18 ans. 18 ans, très bien. Bon, Amandine, Xavier va te poser une question. La colle de ce soir, si tu as la bonne réponse, c'est gagné. Vas-y, Xavier. Comment on fait un rat? Merde, c'est quoi déjà? Ouais, comment on fait un rat pour se faire un... Il met du mascara, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est si quoi? C'est ça. Mais oui, ah, c'est ça, ça. Ouais. Eh ben voilà, c'est comment tu t'appelles, mec? Je vous mets ton prénom. Amandine, c'est ça, Amandine, excuse-moi. Amandine, c'est gagné. Non, toi Xavier, j'ai pas oublié, ça fait depuis tout à l'heure que je donne ton prénom. L'iPod Nano est pour toi, Amandine, bravo. Mais pas de problème. J'adore. Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe au standard? Il y a Lilo qui vient de faire un... Qu'est-ce qui se passe? Ben ça coule. Je peux pas en parler, c'est horrible, il y a une info qui vient de tomber, mais c'est, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi l'info? Ça, je vais vous tuer, c'est pas possible. C'est quoi l'info? Non, je peux pas. C'est quoi l'info? Je peux pas en parler avant. Non, on peut pas parler de ça. C'est archi crado, on peut pas parler de ça. Je peux pas. Bon, attends, je viens voir. Non, c'est horrible, mais vraiment, je vais mourir en fait. C'est quoi? Oh mon dieu. Mais c'est pas drôle. Et on envoie Toff pour ce quelqu'un en intervention. Ouais, c'est ça, il va partir en intervention dans pas longtemps là pour aller vérifier ça effectivement. Non, c'est trop tard a priori. Ouais, là c'est trop tard. Bon, on vous expliquera ou pas. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à dire? Bravo en tout cas Amandine, tu repars avec tout simplement avec l'iPod Nano. Félicitations Amandine. D'accord. Gros bisous Amandine, à bientôt. Bisous. Et Xavier, bah malheureusement c'est perdu, tu retournes chez ta mère les mains vides. Voilà. Bon bah désolé hein. Salut Xavier. Allez, ciao. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon, on va en reparler dans quelques instants là des musiques hein, sur lesquelles faire l'amour. Teddy qui nous avait appelé également parce que sa meuf en fait s'est barrée parce qu'il voulait continuer sa passion, c'est-à-dire être pompier. Et puis bah venez également nous parler sur quelles chansons vous faites l'amour, les mecs, les filles. J'attends vos appels, surtout les filles puisqu'on a eu beaucoup de mecs mais pas beaucoup de filles. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il est temps d'appeler à, en Corse, Tof. Hein. Mais allons-y. Tu es conscient qu'on va te faire sauter la tête. Oui, oui, bon, ça fait longtemps. Hein. C'est vrai. On appelle maintenant direction la Corse puisque le principe c'est que Jules nous a envoyé une petite enquête comme quoi apparemment il y a un concours qui a été fait à New York et c'est le plus petit sexe du monde. Oui, voilà. C'est tout petit. Exactement. Bah, donc, du coup, ça va 7 cm en fait. Ouais, 7 cm, bah, c'est petit quand même. Oui, c'est donc vrai. Du coup, on essaie de trouver le plus petit sexe d'Europe. Voilà. Voilà. Allons-y. Bon, bah, alors c'est parti, on y va, direction direction la Corse maintenant. Bon bah bonne chance hein. Ça va bien se passer. Enfin, théoriquement. J'espère. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Et alors ? Et alors, en fait, je voulais connaître la taille du vôtre. Ah ben, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Mais ça fait combien ? Bon. Nous avons perdu Tof, dommage. Oui. Ouais. On va rappeler ? Tu oses ou pas ? T'es ose ou pas ? Je sais pas. Allez, pose quelqu'un là ! Allez, on y va, c'est parti ! Bon, allez. On rappelle en Corse. Ouais, on est des fous, oui, alors. Pardon. Oui, excusez-moi, on a été coupé, je n'ai pas entendu la taille de votre sexe. Viens voir, je vais te le montrer la taille de mon sexe, va. Si vous voulez. Si, sort, oui, oui. Sauf que le mec il est quand même au bord de ses nerfs, on va le rappeler. Il reste calme hein, ouais, malgré tout. Il reste calme. Non mais ça c'est dans la voix. Le problème d'un Corse quand il a plus de 40 ans, c'est que de toute façon tu vois directement quand le mec faut pas l'emmerder, tu vois. Voilà, bon rappel. Et parfois même en dessous de 40 ans. Hein. Sinon la Corse c'est une très belle île. Ouais. Voilà. Allô. Oui, vous êtes sûr que vous voulez pas me le dire au téléphone, parce qu'on gagnerait du temps quand même. Tu crois que j'ai que ça à faire? Bah oui, enfin, je veux dire c'est juste un chiffre. C'est un chiffre, oh, espèce d'enculé. Hein. Oui, enfin c'est pas la peine de le prendre comme ça, monsieur. Non, c'est une espèce d'enculé. Allô ? Oui, bonsoir madame. En fait, voilà, je voulais demander à votre mari la taille de sa bite. Oh, sûrement plus grande que la tienne, gros con. Oh putain, ils sont en pleine forme là-bas. Non, la Corse c'est une très très belle île, ouais, et je trouve qu'ils font bien d'ailleurs de vouloir absolument ne plus être faire partie de la France. Non, c'est bien. Oui. Vraiment, moi je suis pour. Oui, moi j'ai envie de dire sous ton écorce. Oui, vive la. D'ailleurs, il faut dire que la France s'appelle la Corse. Voilà. Dorénavant. Moi je dis vive, voilà. Vive la Corse libre. Exactement. On vous aime bien. Le mec qui a peur. Hey, pose caca. Oui. C'est quoi cette espèce de coulée là qui tombe là? C'est rien. C'est il a la chiasse. C'est pour mes amis corse. Ah, bon d'accord. Voilà. On rappelle en Corse encore un petit coup là. En Corse. Un autre. J'ai un autre numéro là. Ah bon, c'était un autre numéro. Allez, bon, on y va. Allez hop, on rappelle en Corse. Après on appellera ailleurs. Hein. Enfin si on survit. Enfin si Tof survit. Si vous êtes corps, je peux donner son adresse. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Ouais ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Vous devez faire une erreur là, non ? Ah non, pas du tout. Et en fait, je voulais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon ? Non, je voudrais connaître la taille de votre bite. Ah, te faire enculer au PD, va. Ah, oh, génial. Va te faire enculer, PD, va. J'adore les corps. Je crois que c'est... Mais ce qui est bon, c'est qu'il reste toujours calme. Ouais. Bon, sauf quand il s'énerve. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, il reste quand même relativement calme assez longtemps. Et au moment, où il s'énerve, c'est le point de non-retour. Mais oh c'est énorme. On va essayer de le recouper le morceau là, parce que. Va te faire enculer, PD, va. Non, il était pas mal le coup du Corse là. Je m'en occupe, je vais le couper là. Bon, très bien. Il y a Mathias qui dit le Corse est calme, mais se vénère vite. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Fan de Mickaël qui dit pose caca, il va vite se faire défoncer par les Corses. Ah oui, ça, je te le confirme. Et alors, Émilie qui dit j'ai une question, j'aimerais savoir si vous êtes déjà fait opérer des dents de sagesse, car je vais bientôt me faire opérer, j'aimerais savoir si c'est douloureux ou pas. Ouais, on a été avec Tof, on était ouais, au même jour. Aussi. Même jour. Même jour. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, même jour, même semaine. On s'est retrouvés comme deux cons, on aurait dit deux autres packs, tu sais, avec les espèces de merde, comment on appelle ça, nœuds là. Ouais, t'as les joues gonflées. T'as les joues gonflées, t'as les nœuds, bref. Ouais, douloureux, nous on avait fait une opération. Enfin, en tout cas, moi, c'est une opération totale, on a enlevé les quatre dents d'un coup. Ouais. Après, c'est une galère parce que, effectivement, pendant 3-4 jours, tu manges milkshake, soupe, basta quoi. En fait, le mieux, c'est ça dépend combien elle en a, sinon elle se fait qu'elle se fasse enlever une par une. Jamais de la vie. Si. Jamais alors, de la vie. Alors, moi, je t'explique, la première, j'avais rien, j'avais zéro douleur. Non, mais sérieux, zéro douleur. Et après la deuxième, mec, deux semaines après, j'ai douillé, mais grave. Ouais. Non, t'as pris la TVA. Ouais. Non, mais c'est ça, moi j'avais peur que tu sais, j'en fasse une ou deux et que ça me fasse tellement mal que je fasse pas les autres. Non, mais ouais, vous avez quatre. Ouais, moi j'ai fait les quatre, ouais. Ouais, c'est les quatre aussi. Deux, ouais. Voilà. Et toi, t'as déjà fait enlever les dents, toi, dents de sagesse, Pierre-Antoine? Ouais, quatre, moi. Quatre d'un coup, t'as fait quoi, une anesthésie totale ou anesthésie générale, ouais. Ah ouais, parce que moi, je me souviens d'un mec qui m'a dit, c'est pour ça que j'ai fait les opérations, l'opération tout d'un coup, c'est qu'il y a le mec qui m'a dit, ouais, moi, on me les a enlevées une par une. Le mec, il a dû aller avec, c'est un espèce de marteau, mais de dentiste, hein, pas un vrai marteau, quoi. Et en fait, il a dû vraiment taper dessus pour arracher le bordel et il a dû tirer avec une pince pour arracher toute la racine. Bien j'ai dit, allez, faire enculer, moi, je veux dormir, hein, démerdez-vous, amusez-vous, mais moi, je veux pas voir ça. Donc, c'est bon, j'ai dit, ça va aller, merci, c'est bon. Et toi Patrice, salut à toi. Bonjour. Comment ça va? Ça va, impeccable. Bon, t'as déjà enlevé les dents de sagesse toi Patrice? Oui, j'en ai déjà enlevé. D'accord, et les quatre d'un coup, comment ça s'est passé? Non, une, c'est tout. On t'a enlevé une seule dent seulement? Une seule dent. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Au moins t'as pas trop eu mal quoi, enfin, avec une seule. Non. Bon, il y a Miscar. De quoi? Ça a été impeccable. Bon, bah tant mieux, écoute. Tiens, il y a Cédric qui a envoyé un message à l'instant qui dit allez, Corse, que du bonheur. Bah oui, c'est clair. Et Coralita qui dit Mickaël, un petit coup de lance-flamme, s'il te plaît, j'ai froid. Alors, c'est pas un chauffage, hein. Je vais mettre en service, mais si on le met un peu trop près, t'es cramé. Voilà, et Miss Carter qui dit Lilou à Serragnagna, bah oui, elle est partie déjà deux fois là aux toilettes. Ah, Lilou! Ouais, ça y est, c'est bon. Ça y est, elle a tamponné. Eh ben voilà, ça y est, hein. Ouais, je suis contente. Ah bah ouais, bah ouais. Mais oui, c'est magnifique. Ce qui est dommage, c'est que du coup, bah Lilou n'est pas enceinte. Lilou, enchantée. Ouais, mais. Non, bah heureusement. Non, c'est voilà. Lilou ne fera pas un Lilou. Bah oui, c'est ça, c'est dommage. Mon Dieu, heureusement. Regarde, mets ton casque. Oui, mais parle pas de malheur. Regarde ça. Parle pas de malheur. T'aurais eu ça, t'aurais un petit polichinelle. voilà. Le tuer. Ouais. Les gars, t'aurais été là, t'aurais fait Lilou. Voilà, il aurait été content. Hein. Voilà. On aurait fait joujou. Hein. Ah, c'est un bébé, ça. Et puis il aurait. Je suis pas un éléphant. Non, c'est une meuf qui est en train de baiser. Ouais, évidemment que c'est un bébé. Ça faisait penser à ça, ouais. Bon, je te confirme, t'es pas prête pour avoir des enfants. Allez, mais des messages qui sont arrivés. Il y a Mehdi qui dit est-ce que Lilou a des sextoys? Ben, bien sûr. Bon, là, maintenant, elle est un peu calmée parce que c'est la mauvaise période. Mais oui. Oui, comme toutes les meufs. Bien évidemment. Sauf que je l'assume. Et bah, tiens. Et il faut savoir qu'elle a quand même un double dong de 40 cm. Oui, tout à fait. Il va mettre les deux bouts. Tout à fait, également, je confirme. Et alors, Miss Carter qui dit vous êtes des dingues, les Corses que du bonheur. Il y a un message de Super Puceau qui dit ah, Mickaël Chamroy. Non, je vais mettre la photo, j'ai oublié, je vais la mettre là. Et Gianmarco qui dit je fais l'amour avec la chanson de Kid Cudi, Days and Nights. Et ça marche très très bien. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Et Petit Panda qui dit youpi, Lilou a ses règles, fais péter la bouteille. Oh bah t'inquiète pas, elle a pas besoin de nous pour ça. Bon, alors, Patrice, toi tu nous avais appelé par rapport à l'amour sur quelle musique? C'est sur quoi que t'aimes bien faire l'amour toi? Sur Dirty Dancing, la première que vous avez fait passer sur Fun Radio. Ah, Dirty Dancing! Dirty Dancing, ouais. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, c'est ça. Yeah. Ouais, she's like the wind. Celle-là. Ok baby, allez viens me sucer. Comment tu peux faire? Enfin, moi j'arrive pas à m'imaginer. Alors en fait, donc ça veut dire que la meuf elle doit être couchée. Ouais, ça joue. Tu mets une capote. Ouais. Et puis après, donc tu la chauffes un petit peu. Et normalement, si elle mouille un petit peu à ce moment-là, tu peux la pénétrer. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche quoi. Ah, tu fais des va-et-vient. Et puis bon, après, idéalement, tu fais un maximum de va-et-vient. Si elle peut arriver à l'orgasme et toi aussi, c'est idéal. Et puis voilà quoi. Mais bon. Enfin, 4 minutes pour un orgasme, c'est court. Ouais, oui, c'est vrai. Après, tu peux mettre un repeat. Ouais, tu le mets en boucle. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, merci. Mais ta meuf elle aime bien, Patrice? Ah oui. Elle aime bien, ouais. C'est mais bien. Toujours c'est là-dessus. Connu sur ce musical, ma femme. Ah, vous ne faites que là-dessus. Voilà. Ah ouais. Oh, ça va être marrant chez vous. Ouais, mais c'est bien parce que tu vois, il met la musique, elle sait ce qui va lui arriver. Ouais, c'est chérie. Allez hop là. Ok, c'est l'automatisme, elle se déshabille directement, elle enlève le soutif, tout le bordel. Oh, c'est comme ça que ça marche, Patrice? Ouais, c'est comme ça que ça marche. Non, mais t'es sérieux, Patrice, t'es avec elle depuis combien de temps? Comment? T'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je suis avec elle. D'accord. J'ai même une petite fille de 5 mois. Que vous avez fait évidemment sur. Sur celle-là. Non, pas du tout là. Ah quand même, d'accord. Pour les enfants, il y a une autre musique. Ouais, bien sûr. Pour les faut enfants, pas mélanger. C'est quoi la musique pour les enfants quand on fait un enfant, par exemple? Comment? Quand tu fais un enfant, tu mets sur quelle musique? Ah, je vous entends plus du tout là. Comme par hasard. Gangnam Style. Gangnam Style. Ouais. C'est clair. Bon, et attends, il y a aussi Florian qui est là, qui appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. Salut Flo. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, il y a autant hier, on a eu que des meufs pendant une heure. Autant là, on a eu que des couilles. Je vous cache pas que je préférais hier. Mais bon. Entre couilles. Bah écoute, c'est vrai qu'on est entre couilles. Bon alors Florian, toi tu fais l'amour sur quelle musique? T'aimes bien quoi toi? Moi je préfère du Bob Marley. Du Bob Marley. Avec un pétard et tout, t'es en mode cool quoi. Ya Rastafari. Bah ouais, c'est ça, t'es là tranquillement là avec un petit son de. Cool. Ah non, ça c'est la pub. Qui disait allô là? C'est toi Patrice? Ouais, c'est moi. Mais t'es toujours avec nous, t'inquiète pas. Hein. Attends, on va se mettre. Voilà. Là, on est bon, là, Florian, là, non? Alors... Allez, vas-y. Allez. Viens ici que je te baise. Tu dis ça, ta meuf? Oh! Et c'est dingue, quand tu parles, elle ne arrête pas de discuter. Il y en a une des deux qui va lancer d'à côté, je prends le stagiaire. Vous passez votre soirée à... Et alors blablabla. Comme par hasard. Comme par hasard, maintenant, il y a quelqu'un qui appelle. Mais oui. C'est ça, ouais. Comme par hasard. Et je vous jure, c'est un truc de fou quand même. Deux gonzesses en même temps, c'est une catastrophe. C'est dingue. Bon, donc du coup, si vous voulez les appeler, n'hésitez pas. Elles ont le temps, visiblement. Ça les empêchera de parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, alors, Pierre-Antoine, ben merci d'avoir appelé. En tout cas, hein, toi, tu aimais faire l'amour sur le rap. Très bien, on l'a bien entendu. Bah voilà. Et tu reviens quand tu veux. Passe une excellente soirée. Écoute de fun. À bientôt. Merci de même. Salut. Salut. Ciao à toi, Patrice. Merci à toi également d'être passé. Oui. Merci aussi à vous. Eh ben avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Content de nous avoir eu au téléphone. Écoute, merci avec plaisir. Beaucoup. On est content également, Patrice. Et tu reviens quand tu veux. Ok, y a pas de problème. Salut Patrice. Merci. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bon, et je rappelle également qu'on va récupérer Tilly dans un instant là avec sa meuf qui n'a pas voulu lui laisser continuer faire sa passion, c'est-à-dire pompier, puisque je vous avais demandé quel était le métier ou quelle était la tenue, les filles, qui vous excitait le plus. Voilà, j'aimerais savoir. 01 42 48 5000, mesdemoiselles, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Là aussi, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez. On en parle dans un instant. Et toi avec Flo, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah, des impressions déjà vues quoi. Ah putain, ça m'arrive souvent aussi, le ça. Le déjà vu. Ouais, le déjà vu. Vous avez vu le film? Ouais, j'ai déjà vu. Énorme. Ouais, j'ai déjà vu. Avec Denzel Washington. Ouais, avec Denzel Washington, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça arrive souvent. C'était dans un truc et tu dis, mais putain, j'ai déjà vécu. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Bah, on en parle dans un instant, tu bouges pas? Ça marche. Parfait, vous restez là également. Et je vous avais demandé aussi de me trouver des bons slogans pour l'émission hier. On avait dit qu'on en parlerait ce soir, bon on va le faire. Donc genre un truc qui rime quoi, tu sais genre qu'est-ce qu'on avait sorti hier encore? J'oublie. Je sais plus moi. Tain, j'ai oublié, merde. Bon bah à vous de bosser là, le meilleur slogan pour l'émission, voilà. Et si vous avez les bons slogans, et bah vous serez récompensé, on les mettra sur les t-shirts et tout ça. C'était comment elle s'appelle? Bon, elle parlait de craquer son slip là. Ouais. Comment? Ah! Voilà. Voilà. Bah voilà, c'est et parfait. Bah non, bah grâce bon à ça, slogan. Merci Polo, grâce Harlem, à ça, on s'en souvient. Harlem, là, tout à l'heure. Ouais. Et c'est elle qui avait trouvé un beau slogan hier. Bah oui, mais je me souviens plus, justement. Bon, bah renvoie-le. Et puis les autres, suivez. Je vous mets le post dans un instant sur le Facebook et le Twitter. À vous de nous dire. Et puis, comme ça, demain, on ira faire les t-shirts avec les slogans les plus drôles. Voilà. Donc attention, vous avez quand même du poids sur vos épaules, là. Hein. Facebook.com/Mickaël officiel. Et puis sur Fun Radio, avant de continuer à appeler des gens, là, pour essayer de trouver la plus petite bite d'Europe, on se fait péter le son de Manian maintenant. Et Flor Faila, on écoute tout de suite sur Fun Radio le son de Just Another Night. C'est Mickaël No Limit et on est là tous les soirs jusqu'à 2h. Magnani Florfaila à l'instant sur Fun Radio avec Just Another Night sur Fun. Si vous voulez choisir un son d'ailleurs, n'hésitez pas, avant 2h on est là. Vous mettez le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis il y a même Quentin Mossimane qui est passé nous voir. Comment on ça est va là, on est bien, mais ça va très très bien. Salut, Quentin. Tranquille, il est déjà venu préparer son mix et là ça c'est beau. Tu vois que le mec il bosse quand même. Ouais. Le mec il arrive. Sélectionner les voilà, le mec il arrive pas le samedi soir en disant non. Bon, ils sont où les disques? Je sais pas, ils sont là. Non, le mec il travaille avec de l'avance là, non, ça c'est bon ça. Semblant, voilà, Quentin qu'on retrouve dans Party Fun tous les samedis maintenant. Samedi soir, 20h exactement. La grande classe. Oui. Je vais lui dire que t'avais saigné Fun pour venir. Tu racontes comme dis-moi, on parlait tout à l'heure avec Teddy, avec Cédric, avec tout le monde là, sur les chansons sur lesquelles tu fais l'amour. Et comme je sais que la majorité des filles là écoutent pour toi Quentin, et voudraient savoir sur quelle chanson tu fais l'amour. Eh bien écoute, je ne fais pas l'amour sur des chansons. Oui, il fait ça là-dessus. Voilà, car Quentin est un grand lover. Mais vraiment mieux que ça, je fais l'amour en chantant. Oh. Mais alors vas-y. Vrai. Alors Lilou. Bon, on a besoin que tu donnes un peu de ton corps. En situation. Allez, voilà, c'est pour faire une situation avec Quentin pour voir un petit peu sur quelle chanson tu peux faire l'amour, tu vois. Enfin, lui en l'occurrence, comment il chante. Tout à l'heure, il lui a dit hey, Lilou, je te suis sur Facebook. J'aime les gens en plus. Et là, tout d'un coup, il s'est passé un truc. Elle a eu ses règles, mais ça, allez, Lilou, il va chanter, allez. Bah ouais, c'est ça. Allez, donne de ton corps. Là. Et tu veux que je fasse quoi? Je donne de mon corps comment? Attends, on va t'expliquer. Donc tu vas déjà te non, mais tu sais ce qu'on peut faire, Mika. Franchement, tu fais quoi après, Lilo? Rien. Écoute, je vais te faire un petit enregistrement, un petit truc. Bah voilà, mais voilà. J'ai maison, j'ai le studio. Exactement. T'imagines, tu vas pouvoir baiser dans le studio de Quentin. Tu sais que là, il y en a plein qui sont en train de dire mais putain, c'est une blague ou quoi? Il arrive directement là. Scandaleux. Bah merci, Mickaël. Bah, je t'en prie. J'adore. Écoute, avec plaisir, tu peux partir si tu veux avec Quentin. Il part maintenant. Elle a plus besoin de Lilo là, c'est bon? Non, c'est bon, tu peux. De toute façon, c'est pas parce qu'elle fout. De toute façon, elle est là, pas de parler. Kelly, blablabla, raconte sa life. Bon, bah donc ça, c'est tu chantes quoi. Moi, j'aime bien vraiment. Ah, mais c'est pas mal. Hein. Bah, ça crée, tu vois, je sors un peu mon épine du jeu quoi. J'essaie de. Ou tu mixes en même temps, non? Alors, j'ai déjà essayé, figure-toi que j'ai déjà essayé quand j'étais un petit peu plus jeune, dans mes années un peu folles. Et non, c'est pas terrible. Ah, ça, c'est moins pas bien. Terrible parce que tout de suite, ça se voit vite. Bah ouais. Bah, c'est surtout qu'il est loin des platines après. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout derrière les platines aussi, là. Bon, bah, ça dépend avec qui, évidemment. Bon, bah, très bien. Bon, mais merci pour l'info. Et puis, n'hésite pas, on attend ton son avec impatience. Hein. Écoute, pas de soucis, Mickaël. Voilà, pour pas le single, ça, le morceau j'ai bien où tu chantes. Hein. Comment on l'appellera? On trouvera, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Attends, compte sur nous. On a l'imagination à rendre. Une nuit avec Quentin. Ouais, par exemple. Maman, où t'es? Tu sais, les mecs, ils j'aime beaucoup ça. Ah ouais, pas mal. Maman, où t'es? Pas mal. Bon, on attend ça avec impatience. Bon, ben, Quentin, à samedi, on part fun. Merci, mon pote. Merci à tous les auditeurs. Allez, je vous embrasse. Bye. Ciao, bye bye. Bon, et donc, les autres, allez-y. Hein, si vous avez. Ah, il y a Miss Carter qui dit Quentin, je le kiffe. Attends, c'est quoi? Je l'ai vu en boot au métro. Je l'écoute depuis la Starac. Ah non, moi j'ai fait la nouvelle star, elle a dû confondre. Elle a dû confondre. Ouais, bah oui, t'es sûr que c'est le même que tu penses au même. Pascal Sevran, j'ai fait Pascal Sevran. Pascal Sevran, ouais, exactement. Ouais. Mathias qui dit putain, Quentin, la grande classe, Mika, là t'as réussi ta vie. Oh, c'est vrai. Est-ce que les auditeurs savent comment est Lilou en vrai ou pas? Il y a des photos un petit non, peu parce sur que Twitter. Tout le monde pense qu'elle est méga bonne. Ouais. Ben alors, tu sais quoi, mais moi je vous le dis, elle est très très jolie pour de vrai. Non, mais je vous le dis. Oh mon dieu! Non. Oh genre, regarde là. Non, je suis pas comme ça moi. Bon, allez, va faire une photo avec Quentin. C'est quoi, on va faire une photo ensemble? Si, je vais la tweeter tout de suite. Ok, voilà. Ça marche. Et il va te mettre sur le Twitter de Quentin. T'as vu un peu la classe? T'es rouge, Lilou. Je suis trop contente, je suis pas rouge. Si, t'es rouge comme une tomate, t'es sérieuse là? Oh là là, regarde là. Elle est rouge. C'est parce que tu me regardes, Mickaël. Mais oui, arrête ton cinéma. Bon, bah, merci Quentin. Donc rendez-vous samedi dans Party Fun. Yes, et puis la photo de Quentin et Lilou en mode futur couple. Ça va être beau. Ça va être beau. Ah, ça va être magnifique. Bon, allez. Bon, j'y vais, mon pote. Hein. Salut, Quentin. Ciao, au plaisir. Avec à bientôt. Ciao. Alors, donc, je vais demander hein, plein de messages, là, trouver un slogan pour l'émission. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a Paul qui dit, il y a Paul PC28 qui dit Mickaël No Limit, l'émission qui donne la frite. Non. Alors, attendez, on va faire un truc. Hein. Celle qu'on va dégager, ça va être ça. Ah, merde, ça marche pas, attendez. Voilà, celle qu'on va prendre, ça va être ça. Pas mal. Ok. Miss Carter. Mickaël No Limit, l'émission qui fait craquer ton slip. Ok. C'est pas mal. Pourquoi pas. Colia qui dit Mickaël No Limit, la déconne elle est à pur. Pas assez original, pas drôle, il faut du drôle, faut que ça rigole. Mister qui dit Mister Steven, Mickaël No Limit, c'est pas pour les petites bites. Ah, j'aime bien. Et en plus ça arrive, c'est pas mal. De nouveau Paul, Mickaël No Limit, la plus petite bite d'Europe, c'est off. Non, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Et c'est pas moi. Et en plus, Mickaël No Limite, l'émission qui passe trop vite. C'est nul. C'est pas mal celle-là. Non, non, non. T'aimes bien ? Non, je peux pas désaider, je peux pas. Bon, j'ai mis le sur le Facebook, allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Trouvez Mickaël No Limite et puis un slogan derrière. Court, drôle. Et si jamais il est bon, si jamais ils sont bons, pour en prendre plusieurs, on les mettra sur les nouveaux t-shirts Mickaël No Limite qu'on pourra vous envoyer. Donc je compte sur vous. Ça serait bien d'avoir un t-shirt Mickaël No Limite avec un slogan que vous avez torché vous-même. Hey, c'est quand même la classe, quoi. La voilà. Grande classe. Bon, ben allez-y. Donc facebook.com/Mickaël officiel, tout simplement. Une idée, Teddy, quoi, de slogan? Teddy? Non, Teddy. Teddy. Non, c'était une mauvaise idée, Teddy. Cédric, qui est avec nous. Bonsoir, Cédric. Yes, salut Mika, c'est la team. Ça va, tranquille. Bon, est-ce que t'as une idée de slogan, toi? Ouais, je viens de t'en prendre en speed, là, je sais pas ce que tu vas en penser. Vas-y. Mickaël No Limite, stay connected, no hesit. Ça va? Non. Ça passe ou... Non. Non. Ah, ça n'a pas été retenu par le service. Non, non, ça, le jury a dit non. Florian, qui est avec nous. Attends, Cédric, hein, bouge pas. Florian? Ouais. Une idée, toi, de slogan, éventuellement? Vite fait, Mickaël No Limite, avec vous on tape des tripes. Ouais. Non. Attends, il y a on aussi. On mange des tripes. Mais voilà, okay. C'est ça. Attends, il y a Lesbi Freaks qui dit aussi, avec Mickaël No Limite, tu connais les limites de l'honnêteté des gens. Non, c'est nul, Lesbi Freaks, ça rime même pas. T'es sérieuse, Lesbi Freaks, ça va pas faire un truc de philo là, on veut un slogan. Poupou Ilette qui dit Mickaël No Limite à consommer sans limite. Bah non, ça fait deux fois limite du coup là. À trouver autre chose là. Ah ouais, à écouter sans limite. Ah bah Emeline qui proposait exactement le même slogan. Tiens, est-ce qu'il a triché ou est-ce que c'est le fruit du hasard? Je ne sais pas. Continuons en tout cas. facebook.com/Mickaël officiel. Sur le Twitter également, on est toujours top tweet ce soir depuis le début de l'émission. C'est cool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter. Vous me faites un follow et moi aussi je vous fais un follow dans l'autre sens. Hein, je vous follow back comme on dit. Vous venez nous rejoindre tout simplement maintenant sur le Twitter. Vous tapez Mickaël officiel. Bon, Cédric, Florian, restez là. On va appeler du côté de Charleroi maintenant puisque Toff est toujours à la recherche. Ah. La plus petite bite d'Europe. Oui. Voilà, on y va? Allons-y. Allez, c'est parti. Vous bougez pas, les gars. Hein. Vas-y, ça marche. Bon, parfait. Allez, c'est parti. Attendez, je raccroche. C'est combien de centimètres chez toi, Cédric? Pour moi, la plus petite ou la mienne? Non, la tienne. Oh, 27-28, tu vois. Oh, arrête ton cinéma. Non, ah, la moyenne, 15. 15, bah, tu vois, tu la ramènes. 15, ça va, c'est raisonnable. Ouais, et toi, Florian? 19. 19? Ah ça c'est déjà pas mal hein. Ouais c'est déjà un engin de compétition ça. Hein. Par contre avec la gravité. Ouais. C'est ça ouais. Pour un gars de 2 mètres. Ah ouais si tu fais 2 mètres ouais. Si tu fais 2 mètres t'es limite une petite bite hein. Ouais. Ah ouais bah proportionnellement parlant, enfin bon, pour moi je dis ça. Bon et on y va. Ça donne quoi? Et bah moi j'en sais rien figure-toi, je dois faire 5-6 cm. Non, à vue d'œil là comme c'est ça c'est 35. Ouais. Minimum. Non minimum. À vue d'œil ouais 5-6 cm, quelque chose comme c'est ça. Bah ouais parce que j'avais eu l'idée à un moment de faire des sextoys qu'on pourrait vous offrir mademoiselle et pourquoi pas messieurs en faisant des moulages mais je me suis dit putain 5-6 cm on va passer pour des cons quoi. Ça surtout moi. Donc du coup on a mis l'idée au placard mais peut-être qu'on la ressortira un jour, on verra bien. Bon on va... en même temps ça peut faire un plug hein pour 5 cm. Ouais c'est vrai aussi ouais. Bon écoute, on va appeler à Charleroi pour essayer de trouver la plus petite bite, apparemment elle fait 7 cm à New York. On y va, direction Charleroi maintenant, on va voir comment ça se passe là-bas. On avait appelé encore tout à l'heure hein. Toff a failli décéder, il a failli exploser. Véridique en plus, hein. Oh, on va te faire enculer. D'accord, c'est un très beau pays. Bah oui. Ouais. Un pays, hein. Oui, pays. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Ah. Oui, excusez-moi, allô. Ah non, elle est partie, elle est revenue, Bon, on rappelle. Oh, certainement une petite erreur de manipulation. Ça arrive même au meilleur, la preuve. Allez, on rappelle. Alors. Et allô? Oui, excusez-moi, monsieur, j'étais avec votre femme, on a été coupé. Oui, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Le plus petit sexe d'Europe. Et donc, du coup, je voulais connaître la taille du vôtre. Non, mais t'es con ou quoi, monsieur? Mais pas du tout, monsieur, c'est pas... Allez, va te faire foutre, Andy. Ah, on était bon là. Oh, cet accent. Bon. On va se faire foutre. Hein, on va rappeler, à Charleroi. Là. Allez, attends, on va rappeler. Elle va se faire foutre, Adé. Allez. C'est quoi, j'ai envie de dormir ou quoi? Tu vas te faire ramasser, hein, fieu. Ramasser. Ça va? Bah, attendez, monsieur, pourquoi vous dites ça? Allô? Tu vas se faire ramasser. Ouais, bah il peut toujours arriver, hein, l'autre, hein, mais bon. Ah, tout à l'heure, si vous avez raté l'appel du Corse, là, ça donnait normalement ça. En théorie, je devrais l'avoir mieux, là. Et en fait, je voulais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon ? Non, je voudrais connaître la taille de votre bite. Ah, t'es faire un culé au PD, va. Bon, je vous appelle. Attends, on va le remettre encore un coup, parce qu'il m'a fait marrer, celui-là. La taille de votre bite. Va te faire enculer au PD, va. Oh, va te faire enculer au PD, va. Qu'est-ce qui vous a fait marrer, celui-là? Bon, alors, retour maintenant là avec Teddy, encore une fois. On cherche son défi, là. 01 42 48 5000 pour nous appeler, mesdemoiselles. Ou pour la Belgique, 02 851 4x0. J'attends vos appels, mesdemoiselles. Quel est le métier qui vous fait le plus fantasmer, là? Genre, pilote d'avion, militaire, je sais pas moi, pompier, gendarme, etc., etc. Bref, appelez-nous. Je veux vous parler, mesdemoiselles. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, alors, Florian, toi, tu nous appelais pour les impressions de déjà-vu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, alors, explique-nous un petit peu, là, les impressions de déjà-vu. Qu'est-ce que t'as déjà eu comme impression de déjà-vu, justement ? Dans la rue, quoi. Tu te balades, tu fais quelque chose, et puis, tu as l'impression que tu l'as déjà fait, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ça, il me paraît, c'est... c'est quoi encore l'explication du déjà-vu ? Je l'avais déjà lu, mais j'ai oublié. C'est le cerveau qui... En fait, qui voit le truc, mais qui se déconnecte un moment, et en fait, il a l'impression de l'avoir déjà vu, en fait. Ouais, je crois que ça. Ouais, ça venait un truc comme ça. Il y avait une expression un peu plus précise, Paulo. Mais non, mais c'est comme si tu filmais un truc, et en fait, tu le re-regardes genre 10 secondes avant, quoi. Ouais, c'est pas clair. C'était plus clair chez Paulo. Si, c'est en gros, tes yeux, ils filment un truc. Ouais. Et en fait, tu l'as déjà vu une première fois, et c'est comme si ton cerveau il revenait en arrière et il te remontrait le même truc. Ouais, mais c'est ça. Non, mais ouais. Ça c'est le système. Mais qu'est-ce qui se passe techniquement dans ta tête pour que ça se fasse ça ? Non, mais c'est un blocage. En fait, ton cerveau, en fait, il bloque. Donc ça peut pas arriver chez Toff déjà. Non, parce que ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Il bloque et en fait, ta vision. Donc tu vois le truc et en fait, comme ça bloque, tu n'as pas le temps de voir le truc. Et en fait, quand ça revient, t'as l'impression de l'avoir déjà vu. D'accord. Parce que moi, ça m'arrive souvent, tu sais, genre, effectivement, comme dit Flo, là, quand t'es en rue, même en vacances, tu vois, parfois, tu vois un truc, tu dis, mais putain, je suis déjà venu. Ouais. Ou j'ai déjà vu ce truc, mais où? Alors, tu te dis peut-être que j'ai vu ça dans un film ou je sais pas. Et en fait, t'as cette impression de déjà vu, effectivement. Ça peut être perturbant, parce que ça dépend ce que tu imagines comme truc de déjà vu, mais ça peut être perturbant, ouais. T'as ça vraiment souvent, toi, ou pas, Flo? De quoi? T'as eu ça vraiment souvent, toi? Ouais, ça m'arrive souvent. Ah ouais? Et genre, donc quoi, dans la rue, t'as déjà eu des moments un peu plus emmerdants où t'as eu ça, t'as eu limite à blocage Au lit. C'est-à-dire, genre, t'étais avec une meuf, tu te dis, mais je l'ai déjà baisé celle-là. Non? Non, peut-être pas non plus, quoi, mais... je sais pas, je te demande. Hein. Un passage. Ah, un moment bien précis. Ouais, pourquoi pas? Attends, il y a Raphaël aussi qui est avec nous, là, qui a aussi ça, de Verviers. Salut, va Raphaël. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bah écoute, tranquille, Raphaël, ça a été la reprise des cours, là? Ouais, ça va, j'ai dur de se lever le matin, bon. Ah ouais, putain, et nous aussi, hein. Ah, nous aussi, putain, là, ce matin, on s'est levé à midi, parce qu'on avait un rendez-vous. Pour rien, d'ailleurs. Pour rien, certes, mais voilà, ouais, donc, non, dur. Tu te lèves à quelle heure, toi? Moi, je me lève à 6h. Ah mais c'est en pleine nuit, ça, t'es fou, toi, Raphaël? On se lève pas, le soleil, c'est même pas debout, là. Attends, 6h? Ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, t'as bien du courage. Bon, Raphaël, toi, tu nous appelais pour l'impression de déjà vu, c'est ça? Ouais, ouais. T'as ça aussi souvent? Ouais, j'ai limite tout le temps ça, surtout quand je suis en vacances. Je suis super là, je me dis, mais j'ai déjà vu ça, mais en fait, c'est improbable. Bah, ça dépend, tu vas tous les ans au même endroit, oui. Non, toutes les années, je change. D'accord, ok. Et donc, mais ouais, j'aimerais bien vraiment savoir d'où vient cette impression de déjà vu. C'est vrai, oui, c'est le cerveau qui voit un petit peu à l'avance, etc. Mais comment ça marche exactement? Ce serait bien de savoir ça plus en détail. Je sais pas. Tu veux que je réveille des médecins? Ouais, mais bon, mandera au doc, ce sera plus simple. Mais et toi, Teddy, t'as déjà cette impression aussi de déjà vu ou pas? Oui, souvent. Souvent, avec quoi en particulier? Bah, exemple, que ça soit. Soit des repas de famille ou même les interventions, des fois je rêve d'un truc et un mois après je vis exactement tout ce que j'ai rêvé. Donc, c'est autre chose, ça c'est des rêves prémonitoires. Ouais, c'est peut-être des rêves prémonitoires. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le déjà vu. Peut-être que ça. Attends, il y a Adrien apparemment qui est avec nous là. Salut Adrien. Salut. Ça va? Ça va, non? Bah tranquille, apparemment toi t'as la solution pour le déjà vu, c'est ça? Bah en fait c'est pas bon, vraiment Bah, attends, tu vas nous expliquer ça dans un instant. On fait juste on fait juste péter le son de Martin Garrix maintenant. Vous l'aviez demandé là avec le hashtag et Mickaël. Bah, on va se faire péter ça maintenant sur Fun Radio. Hashtag et Mickaël avec le son de Martin Garrix et Animal. Je rappelle qu'il y a toujours sur le Facebook la vidéo de la meuf qui fait bouger ses seins sans les mains, hein, juste sur le rythme de Martin Garrix. Allez voir, on l'a mis ça dimanche soir sur le Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. On écoute Animals maintenant. Bonne nuit avec Fun. Martin Garrix sur Fun Radio avec Animals. Restez bien sur Fun puisque je vous cale tout à l'heure là. Le son de Will.i.am avec Miley Cyrus avec Fall Down. Puis si vous avez envie d'écouter un son particulier, n'hésitez pas. Oh là là, j'ai oublié de mettre le son là qu'on m'a demandé Backermat tout à l'heure là. Attendez, je vous le cale tout de suite là pour être sûr de pas l'oublier. Voilà, on peut là. Backermat, on l'avait demandé tout à l'heure. Il arrive sur Fun Radio là, bougez pas. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Le son avec le saxo là, je vous le mets tout à l'heure avant de partir, promis. Backermat avec Vanda, vous l'avez découvert sur Fun Radio. Et on vous le mettra, promis, sans problème. Il y a des messages qui sont arrivés. Il y a Andreas qui dit aussi oui, moi j'ai aussi eu des déjà-vus, truc de ouf. La dernière fois, je vais à l'anniversaire de ma meilleure amie et j'ai fait putain, j'y suis allé, j'en suis sûr. Et pendant 5 minutes, ça m'a bloqué, j'étais complètement absent. Ah mais c'est ça le concept du déjà-vu. C'est justement ça, t'as un blocage. Voilà, c'est juste ça, t'as un blocage. Mais heureusement, Raphaël a déjà eu le coup. Il y a eu également où est-ce qu'il est, Florian qui a eu le coup. Et apparemment Adrien qui est avec nous également maintenant. Salut Adrien. Salut. T'appelles d'où toi, dis-moi? Moi j'appelle de Joigny. C'est où? Dans Lyon. D'accord, bon bah écoute, sois le bienvenu. Alors c'est quoi ta solution toi pour le déjà vu? Bah en fait la grosse solution c'est surtout le sommeil en fait. Parce que l'impression de déjà vu c'est basé sur le fait qu'on a le cerf-volant en fait, hein, pour résumer. Et, un cerf-volant quoi. Ouais. Tu parles pour Toff? Comment? Tu parles pour Toff? Par exemple, voilà. Et faut demander à Toff s'il a des impressions déjà vues assez souvent. Ah, bah, écoute, tout le temps, moi tout le temps j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette situation. Voilà. Et ben on a l'explication alors. Ah, bah, tout le temps il a l'impression de vivre ça. Ce paix là, tempestif, voilà, c'est ça. C'est concrètement c'est ça en fait. C'est que le cerveau n'analyse pas assez vite étant donné qu'on est trop fatigué, donc ouais. Le cerveau est trop lent. Donc nous on voit les choses, mais c'est pas analysé assez vite. Donc on est persuadé qu'on l'a déjà vécu, mais c'est pas du tout ça. C'est que c'est pas analysé assez vite par rapport au cerveau qui est pas assez imposé. Ah ouais, ouais. Et donc qui t'a expliqué ça? T'as vu sur internet ou médecin? Non, médecin. Moi j'ai vu un médecin justement pour par rapport à ça. Rien à voir. Ah vas-y Raphaël, c'est quoi ton histoire à toi? En fait le truc c'est que pour un moment tu commences à vivre le truc, puis tu réfléchis tellement, des fois ton cerveau il s'arrête d'un coup, puis après pendant un quart de seconde peut-être, puis après il se remet, puis c'est pendant le temps, entre le temps qu'il s'est arrêté et le temps qu'il a redémarré, bah il s'est rien passé. Donc il y a eu un bug Windows quoi, le truc, il y a eu l'écran bleu et puis paf, il a fallu redémarrer. Ouais. Mais écoute, on va quand même demander au doc demain pour être sûr, hein, comme ça au moins on aura la vraie réponse, hein. Vérifions, on vérifiera en tout cas. Bah écoute, merci en tout cas pour vos messages Adrien, Florian et Raphaël, merci d'être passé sur Fun Radio. Et puis vous restez là, on va vous envoyer un petit pack Fun à tous. Super, merci. Ok, ça va, merci Mickaël. Avec plaisir Raph, salut Flo, salut Adrien, bientôt, bonne soirée. Salut. Ciao, bye bye. Ciao. Bon, et je rappelle également que si vous voulez évidemment choper vos stickers, n'hésitez pas à faire un mail à Lilou. Hein, elle s'est inquiétée, elle n'avait pas beaucoup de mails ce soir. Lilou, L-I-L-O-U, Lilou, tout simplement, @funradio.fr. N'hésitez pas évidemment à mettre vos coordonnées pour qu'elle puisse vous appeler. Et si jamais vous n'avez pas de réponse dans l'heure, faites-lui un mail pour être sûr qu'elle est bien reçue. Quoi, hein. Voilà. Et puis vous, en troisième, pour lui dire merci. Ouais, voilà, elle c'est adore, ça. Elle adore. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc Lilou, L-I-L-O-U, @funradio.fr. Faisons un petit tour avant de faire des rappels encore une fois pour trouver la plus petite bite d'Europe. Petit tour du côté des slogans. Je vous ai demandé de me trouver des slogans là. Alors attention. Slogan pour l'émission. Donc, Mickaël No Limit, c'est Mr. Steven qui dit si tu rates Mickaël No Limit, on te décapite. Ouais. Bon allez, je le valide. Alors, petit panda qui dit Mickaël No Limit, c'est comme le Red Bull, ça donne des ailes. Bon, bah, non, petit panda non. Poupoulinette qui dit Mickaël No Limit, souvent imité, jamais égalé. Ouais. Ouais mais c'est connu ça comme slogan. Hein. Ouais, je dis non. Plagiat. Qu'est-ce qu'il y a aussi où est-ce qu'il est? Mathias qui dit c'est un bug du cerveau, Mickaël. Ah pardon, autant pour moi, c'était pour la pression de déjà vu. Mickaël No Limit, t'écoute en tripotant la bite. con. Ah, ouais. Moi j'aime bien celui-là. Ouais, ça m'étonne pas, tiens, effectivement. Bon, allez, d'accord, ok, pourquoi pas, on va voir. Joséphine qui dit Mickaël No Limit, l'émission qui ne s'écoute pas, la va vite. Ouais, putain, ça c'est ringard quand même, hein. Hein, Joséphine quand même. Il y a Paul Bossy qui dit j'ai déjà eu l'impression d'avoir vu Toff au service des douanes. Il travaille, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, toute la journée, il travaille au service des douanes. Et puis le soir, il fait de la radio. Au service des douanes. Bon, Dédé qui dit le meilleur de slogan, ce serait si t'écoutes pas Mickaël No Limit, c'est que t'as une petite bite. Ouais, j'aime bien moi. Ouais, pourquoi ouais. pas, ok, pourquoi pas. Miss Carter qui dit 23h-2h, Mickaël No Limit, l'émission qui te rend addict. C'est bien aussi, ouais. Mickaël No Limit plus fort qu'un sextoy. C'est Stéphane qui avait envoyé le message. Ouais, mais tu remarqueras, Stéphane, que ça rime pas des masses hein, pour un slogan. Mickaël No Limit, l'émission qui te lève la bite. Ah, moi j'aime et bien sympa celui-là. Celui-là, Joséphine. Arnaud qui dit Mickaël No Limit, sans tabou. Ça fait beaucoup de pas grand chose. Hein. Oui. No limite, sans tabou, tu vois. Donc, non, Arnaud. Non, Colline aussi qui c'est dit. Sans tabou des Black Eyed Peas. C'est drôle ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a aussi, Colline, qui dit je prendrais bien un t-shirt avec ton slogan. Bah oui, mais il faut d'abord qu'il existe. Pour ça, il faut qu'on cherche le slogan et qu'on le trouve. François qui dit Mickaël No Limit, tout le monde a essayé, mais personne ne limite. Non, trop long. JF aussi qui dit Mickaël No Limit, c'est de la dynamite. T'es sérieux, JF, avec ce slogan là, quand même? Non. Voilà. Mickaël No Limit avec que tu gravites. Émilie qui dit Mickaël No Limit, t'en chies dans ton slip. Ça c'est pas mal aussi ça. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi comme messages sont arrivés. Attends, avec Mickaël No Limit, les histoires de tricks nous excitent et sur Mickaël No Limit, notre anatomie nous invite. Oui, allez, peut mieux faire. Ça. Voilà, cherchez encore un petit peu quand même, hein. N'hésitez pas, Colin qui dit Mickaël No Limit, aussi bon que Brad Pitt. Ah oui. Ah, je suis d'accord. Et Aleina aussi qui dit Mickaël No Limit, la radio No Stress and Fresh. Oui, vous ne vous sentez pas obligé de mettre des trucs en anglais un peu partout, hein. C'est pas forcément nécessaire. Et Petit Panda qui dit Mickaël No Limit, 100% pause caca. D'accord. Pourquoi pas, Petit Panda, celle-là n'est pas si mal que ça, effectivement. Bon, retour dans un instant avec Cédric. On parle de quoi, Cédric, dans un instant avec toi? De la première fois, un peu insolite en fait, que j'ai fait, on va dire avec une cougar, en gros. Bon, on parlait des cougars tout à l'heure, tiens. Première fois insolite, d'accord. Une bon, MILF ou une vraie cougar? Comment? Une MILF ou une cougar? Ah non, je suis pas encore fou quand même, hein. Une cougar, tu vois, la quarantaine. D'accord, bon bah très bien, mais écoute, voilà. On en parle dans un instant, bouge pas de là. Et puis on appelle encore un petit quelques personnes là pour essayer de trouver la plus petite bite d'Europe. Bah vas-y, moi je suis. Puisque à New York ils ont fait un nouveau concours, hein, donc c'est 700 cm la plus petite bite d'Europe. Donc on essaie de trouver donc nous on essaie de trouver celle d'Europe. Ouais. Voilà. Mais t'imagines les mecs ils ont dû se mettre dans un bar et ils ont dû sortir leur ouais, club. Exactement. Donc on avait appelé en Corse tout à l'heure, on n'a pas trouvé, on a appelé à Charleroi, on n'a pas trouvé, là je sais pas où on appelle, mais on y va. Allez, merci aux auditeurs de nous avoir envoyé les numéros d'ailleurs. Je rappelle que si vous connaissez les gens de Boastorcy, balancez les numéros, évidemment. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oh, mais tu fais chier, du con. On vient de t'avoir, je comprends pas. Ah si, on était à Liège, là, apparemment. Bon, bah très bien. Bon, bah, on appelle c'était ailleurs. C'était rapide. Hein. Oui, ça a été très rapide. Les Liégeois sont très rapides. Bon, on rappelle pas, mais on appelle encore à l'autre. Visiblement, on a réveillé la personne, c'est dommage. Pas grave, on va trouver autre chose. Allez. Ouais. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. C'est pas moi. Ah, et combien fait le vôtre, alors? Ah, il est plus gros que le plus petit d'Europe. D'accord, mais en termes de chiffres, monsieur. Une bonne soirée. Ben oui, mais ça me dit pas la taille, monsieur. Ouais, allez, ciao. Très poli. Oui. Cordial. Il y avait voilà. un petit côté Terminator. Oui, en tout cas, ça change de celui-là. Taille de votre bite. Ah, t'es faire un cul au PD, va. Bon, on va le rappeler, l'autre. Pas le Corse, mais celui qu'on vient d'appeler, là, qui était très cordial, justement, là. C'est parti. Le sera-t-il encore? Nous verrons. Ouais. Oui, excusez-moi, mais vous avez coupé, vous ne m'avez pas donné la taille. Et la vôtre? Moi, 18. Ah, 18. Oui. Ouais. Mais vous savez, les truites en montagne, la maille est à 18. Oui. Vous êtes tout juste à la maille. Et? Ben, plus petit, c'est inacceptable. Ah oui. Ah oui, donc vous êtes au-dessus de 18. Ah oui, vous êtes sacrément bien membré. Ah, il fait peur. Ouais. Je vais dormir. D'accord. Allez, une bonne soirée. Ben vous aussi, monsieur, au revoir. Ciao, ciao. qu'est-ce que c'est que cette voix. Et Toff avait peur à la fin. Bonne soirée. Oui, bonne journée. Je viens faire votre ménage ce week-end. Oui, voilà, c'est ça. Vous inquiétez pas, je viens de laver votre voiture également. Mais c'est quoi ce rire qu'il avait là? Putain. Non, mais à la fin, le... Je vais dormir. c'est un peu comme le mec qui fait peur, tu sais, dans le... Merde, j'ai oublié, dans la série qu'il y a sur M6, là... Le mec qui fait peur dans la série... Dans la série qu'il y a sur M6, ouais. Là, 20h, là, comment ça s'appelle encore? Putain, je peux le dire mille fois, là. Avec tous les petits sketchs, avec les deux vieux, avec le black et la jeune... Scène de ménage. Scène de ménage. Il y a un mec là, tu sais, qui est toujours là en train de faire peur avec le... Putain, j'ai pas de mémoire hein, pour les noms, je suis désolé. Mais la meuf qui s'appelle avec... Vous voyez? Le mec qui bosse à la mairie et puis il y a sa femme là. Oh putain, je peux le dire sans fois. On sait pas. Mais quoi, le vieux? Mais non, pas le vieux, le couple de 40 balais là. Y a personne qui peut t'aider là. Mais non, mais personne n'a regardé cette série là. Non, moi je... Donc, attends, Marion et Cédric, c'est... Non, ça c'est les jeunes. Ça c'est les jeunes, c'est le black et... Ça c'est le black et la fille là. Liliane et José, c'est Liliane vieux. Et José, voilà, c'est ça. Non, c'est Huguette et l'autre. Ah oui, c'est Huguette et Raymond. Voilà, Liliane et José. Et puis après, ils ont le voisin qui est toujours un peu tendu comme ça et qui effectivement fait peur à tout le monde. Enfin, surtout à eux deux. Voilà, il me fait penser à lui. Voilà, hop, la parenthèse est fermée, on peut passer à autre chose. Cédric, alors, tu connaissais toi, en même temps, j'aurais pu te poser la question. Tu connaissais Scène de ménage? Non, je vois pas de qui tu parles. Par contre, il me faisait vite fait penser à un croque-mort, le Lascar, quand même. Donc, bien vu, un ouais. Un peu flippant, tu vois. Bien vu. Bon, avant de parler de ton problème, là, enfin, de ton problème, de ton témoignage. Un mal pour un bien, on va dire. Voilà, mais c'est ça. T'es pressé, là? Pourquoi tu parles vite comme ça? Non, de quoi? Cédric? Ouais. Non, il est pas... Ça va? Ah non, tranquille, on est posé. Il a la cool. T'as une idée de slogan, toi? T'as une idée de slogan ou pas? Ah non, là, franchement, vous êtes chiants, les gars, un peu exigeants, hein, putain. Ah bah attends, on est dans le détail, après on fait des t-shirts et tout, faut pas qu'on mette n'importe quoi. Attends, y'en a qui sont payés pour ça, quand même. Bah justement, non, c'est bien ça. Vous êtes malins, les gars. Sinon, on leur demanderait s'il y en avait des gens qui étaient payés pour ça. Vas-y, mets un cadeau à la clé, tu vas voir les coms. Ouais, d'accord, bah franchement, d'accord. Ah bah, here we go, tiens, y'a l'iPhone 5S qui est sorti, hein, tu sais quoi faire. Ouais, attends, laisse-moi réfléchir. Ah non. Ah, dommage. T'as vu Cédric, t'as vu, hein, rend service hein. Rend service à ton prochain. Ouais, t'as vu, on a un paquebot si tu veux. Oui, alors si tu veux, ça par contre, je peux te mettre un coup de... Merde, pardon, c'est pas celui-là. Ça aussi. Je peux te mettre un paquebot si tu veux, ça ouais. Oh, mais des invitations pour Starfloor au moins, tu vois. Attends, je réfléchisse encore un coup. Ah, attends, c'est pour chez toi ça, attends, quand même. Oh. Attends, je réfléchisse encore un coup. Voilà. Bon, on les a pas encore. Tu sais que même moi, je suis pas encore invité au Starfloor. Hein. Alors que le boss a fun. Non mais t'es pas invité hein. Bah oui mais justement c'est pour ça que j'attends. C'est peut-être ça en fait que le boss devait nous inviter à bouffer ce midi pour nous dire écoutez, Starfloor on invite que les privilégiés, que les grandes pointures, donc vous resterez là sur le côté. Hein, voilà. Non mais je te promets hein Cédric. Bah oui. Et tu vois, t'as loupé l'occasion de faire tes preuves ce soir, on en fera un putain de cadeau unique, ouais. En avant-première. Bah on t'a offert un paquebot, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est exactement. Pas un putain de cadeau ça? Non mais un paquebot tu le mets où? Ça après, qu'est-ce que je te dise? Il est là hein. Il est là hein, nous on l'a en stock hein. Ah c'est de la bonne quoi les gars. Elle est au top. J'adore. Bon alors, Cédric, vas-y explique-toi ton histoire. Ouais bah en fait tu vois je m'attendais une première fois un petit peu plus soft et il s'avère que mes 19 ans tu vois la première fille avec qui j'ai couché c'était une grosse de 37 ans je crois qu'elle avait. Ouais, et t'as quel âge? J'avais 19. D'accord. Ouais, j'ai attendu la majorité tu vois. Et il s'avère que c'était la mère d'un des potes qui faisait de la boxe taille avec moi, tu vois. Ouais. Voilà. Qui faisait de la boxe taille avec moi. Donc déjà tu prends un mec qui peut te mettre quand même KO en 30 secondes quoi, même pas. Non mais c'était pareil, on s'entraînait ensemble, tu vois. Ah ok. Tu préfères, sa mère elle était cool et tout, machin. Elle me prenait un peu comme son fils, tu vois, son deuxième fils. D'accord. Puis je te l'ai fait en light un soir et tout, elle devait venir nous chercher. Et avec mes parents n'ont pas pu venir, elle vient, lui il était pas venu ce mec là ce soir là. Elle me fait vas-y. Mais comment c'est que la mère était venue si son fils était pas là? Parce que moi mes parents pouvaient pas venir, ils venaient ensemble, tu sais, d'accord. Ok. Elle est venue, elle me fait ouais, vas-y tu veux, vas-y, je te ramène, faire un tour à la maison, mais normal. Donc je vais chez elle, tout se passe bien, on boit un petit coup et tout. Bon déjà ce qui est bizarre c'est que la mère au lieu de te ramener directement chez toi, passe un coup à la maison d'abord. C'était traditionnel, genre tu sais, tu fais toujours un petit stop chez ton pote, machin, sauf que bah là on a papoté et tout. On a vu un petit peu parce que bon voilà, mais juste une histoire d'un verre, et puis j'ai vu que bah ça commençait avec une main sur la cuisse. En gros, tu vois. Et elle arrive au port chartel, je sais pas, elle va servir. peut-être mets la main sur la jambe, mais tu sais, Cédric, j'ai toujours, je t'ai toujours beaucoup apprécié, et puis voilà, quoi. Et bah, j'ai réussi à garder le truc un an et demi pour moi, et puis au bout de deux ans, ça, un an et demi, deux ans, ça s'est su, et ça va que j'avais déménagé à La Rochelle pour en parler avec mon pote en question, quoi. Oh là là. Et bah, elle était divorcée, hein. Il y avait pas non, mais bien sûr. Non, mais après, oui, elle était divorcée. Bah, toi, t'as bien profité, hein. Moi, c'est juste, je me mets à la place de la mère, quoi. À quel moment elle se dit, bah, je vais me taper le meilleur ami de mon fils, bien sûr, on va rigoler. Non, mais moi, j'en serais jamais douté, pareil, ouais, tu vois. Bah, il fallait qu'elle s'occupe, la pauvre. Ouais, non, mais d'accord, mais bon. Et donc, après, du coup, comment ça s'est passé? Bah, pour une première fois, c'est, bah, l'amener à la danse, quoi. Parce que, bon, je me suis pas inventé de quoi que ce soit, tu vois. C'est un peu pris, ça m'a un peu pris au dépourvu. Sans déconner. Et ouais, carrément, alors elle était pas, ça la choquait pas plus que ça. Elle a su prendre en main, on va dire, tu vois. Combien de rounds, toi qui fais de la boxe taille? Ouais. Hein, tu l'as mis combien de rounds? Ouais, ça a fait 5 rounds, 1 minute, quoi. Au bout de 5 minutes, c'était dead. Laisse tomber. Elle t'a mis KO, et... quoi, la vie. Ah ouais, là, pour le coup, elle t'a bien mis KO, ouais, ça c'est clair. Ouais, mais les gars, je sais pas si vous avez testé avec une fille de 37 piges, mais y a de quoi faire, hein. Enfin, ah moi, non. Depuis, j'ai eu d'autres copines, et c'est vrai qu'on voit la différence. Ah non, 37, j'ai jamais essayé, non. J'ai jamais été au-delà de mon âge. Je t'avoue, si, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Eh bah, ça en vaut le coup. Franchement, mais ça, en général, ça te tombe sur la tronche, sur le coin de la gueule, tu t'en rends pas compte, hein. Parce que, ah, voilà, ouais. Si j'aurais su ça en rentrant du taf, j'aurais pris une petite douche ou quoi, tu vois, mais ça a été. Enfin, du taf en rentrant du sport. Ouais. Non, mais bon, tu sais, t'as un minimum d'estime, tu fais, ouais, enfin. Je me serais dit, vas-y, on essaie de faire ça clean, mais elle, ça l'a pas dérangé, donc je vous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite, les gars. Tu veux être clean. Et toi, Tof, t'as fait, c'est quoi le record en termes de d'âge? La plus vieille? Ouais. 75. Non, non. Il est capable, ce sport. Ah, il est capable, c'est dégueulasse. Big up à MILF. Ouais, ouais, c'est 30, plus MILF, là. 39, là, je crois. 39 ouais, là, c'est de la VILF. C'était la... Roger? 38 ou 39. Non, Roger était jeune, hein. Enfin, ah ouais, ouais, il y avait 10 ans d'écart entre nous, donc non. Bon, je vous explique. En fait, Roger, c'est une meuf qu'on l'avait appelée comme ça. C'était une copine de Tof, mais elle ressemblait tellement à un mec, à un travelo, qu'on l'avait appelé Roger entre nous, en fait. Oh merde. Il y a une cheval et le matin, il y a Roger. Je connaissais pas Roger, moi. Ah, Roger, ouais, si. Roger, c'est une longue expérience. Ouais. Il est vraiment sorti avec elle, et donc c'était. Elle était quoi, coiffeuse, je crois, non? Non, coiffeur. Non, Roger. Elle faisait des études de com. Ah, je sais plus. Enfin bref. Et donc du coup, Roger, en fait, elle avait une tête de mec en fait. Hein. C'est juste ouais. Ça quoi. Elle avait vraiment une tête de mec. Mais par contre, elle faisait des trucs. Ah ouais. Mais peu importe, mec. Elle a juste. Franchement, elle avait une tête de mec. Chaque fois qu'on la voyait, je disais, oh putain, Roger, t'es avec. Oh merde, putain, et avec Roger et tout, c'est une horreur. Je crois que Tof, il a un problème de vision en fait. Ouais, non, peut-être. Moi, ouais. Moi, j'ai pas de problème. Je renifle les bons coups, c'est tout. Ouais, mais alors. Ouais, je le renifle le cul. Vite fait. Bon, et on a Lova la Diva avec nous, tiens. Hello. Oh shit. How are you, darling? Ça va et toi? Mais oui, toujours, mon chéri. Très bien. Oh là là, mais bon. Quelle horreur. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, Lova la Diva, qu'est-ce qui t'amène? Oh ben, je sais pas, j'ai envie d'appeler comme ça pour parler avec vous. Vous êtes mignon comme tout. Non, oh, bah écoute, c'est vrai. Mais toi, t'es le plus beau, hein. Bien sûr, Lova. Bah oui, bah écoute, tu me plais déjà. Oh, Lova, combien mesures-tu? Je suis pas sûr de savoir, mais bon, vas-y, combien mesures-tu? 1m78. Combien pèses-tu? 140, ma chatte. Oh là là là là, je savais qu'on en avait au kilo chez toi. Alors, quel est ton tour de poitrine? Un vrai canus de Tunisie, ma fille. Bon, combien est ton tour de poitrine? Du 110F. Ah oui, quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Hein? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? Je n'achète jamais de pantalon, j'ai toujours la mini-jupe. Ouais, je le savais. ça ne m'étonne pas. Eh ouais, eh ben voilà. Et donc tu nous avais juste appelé comme ça pour dire bonjour, toi? Ben oui, pour faire la fête avec vous. Eh ben écoute, eh ben, reste là. Eh ben reste avec nous alors, deux secondes encore. Regardez Cédric, il y aura Teddy encore là dans quelques instants. Là, bouge pas, d'accord? Ok, no problem. Yeah, no problem, love all day, va. Bon, on va s'écouter Backermat maintenant. On l'avait demandé tout à l'heure là sur le Facebook, sur le Twitter, pardon, mettant le hashtag et Mickaël. Et puis on va relire aussi quelques messages qui sont arrivés par rapport au slogan qu'on cherche pour l'émission, pour mettre sur les t-shirts qu'on va vous filer après. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Hein, vous allez sur le Facebook, je vous ai mis un post là maintenant avec le hashtag et Mickaël. Vous pouvez y aller sur le Twitter également. M-I-K-L officiel, vous tapez ça sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Backermat, ce le son Van Dach maintenant sur Fun. Le son de Backermat. Master Matt à l'instant sur Fun Radio, c'était Van Dyke. Voilà, c'est hollandais, hein, donc si jamais ça vous dit rien, on vous l'avait fait découvrir la semaine dernière. Alors c'est avec du saxo, comme vous avez pu le remarquer. Donc Backer Matt, il y en a qui se posent la question de savoir comment ça s'écrivait. B-A-K-E-R-M-A-T. Voilà, comme ça, vous savez tout. Si jamais vous voulez l'acheter officiellement, bien évidemment, hein. Le censure, ça ne se fait pas de télécharger illégalement. Et complètement, donc n'hésitez mal. Pas. Et bouh. C'est mal, c'est, oui, bouh, exactement. Il suffit simplement donc de venir, voilà, c'est ça, sur, enfin d'aller l'acheter tout simplement. Et c'est mal de télécharger du porno illégalement. C'est mal ou pas? Parce que c'est sale quand même le porno. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, bon, je dirais que c'est très mal de télécharger illégalement. Ouais, très bien. De très mal de télécharger quoi? Illégalement du porno. Illégalement, bien évidemment, oui, c'est ça, tout à fait. Il faut faire vivre l'industrie du porno. S'il vous plaît, achetez vos films. Oui, tout à fait, tu as raison. Bon, on va récupérer Teddy aussi dans quelques instants là. Teddy avec les tenues là. Teddy, t'es toujours là? Oui, toujours. Tiens, là. Tiens, Lova? Oui. Lova la diva, dis donc, c'est qu'est-ce qui t'excite toi comme tenue, comme uniforme? Ah, les pompiers. Oh, ah, bah, alors je te présente Teddy. Teddy, voici Lova la diva. Enchanté Teddy. Bonsoir. Ne sois pas timide. Sois trop timide à la vie, chérie. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Allô? Comment? Allô? Hello, tu l'as rep. Il s'est sauvé là. Teddy, dis ma gueule, non, reviens là, on est avec toi. Ramène-toi là. On a un paquebot, on a un lance-flamme, on a une pelle, t'inquiète. Enlève ton kit pas libre. Teddy. Enlève ton kit main libre ou ton haut-parleur, je sais pas, mais... Ou coupe la radio. Mais non, je suis pas en... Pas en kit main libre. T'as juste peur. J'ai pas un kit main libre. Non, mais tout simplement, je suis pas attiré par les gens, c'est tout. Ah non, mais y'a pas de mal, hein. C'était une discussion comme ça, il a pas envie de te passer dessus, hein. Enfin, je pense, le Valadiva. Non, ne t'inquiète pas. Voilà, ouais, bah, tant mieux alors. En plus, t'es dans la Sarthe, lui à Toulouse, donc ça fait un petit peu loin, hein. Oui, voilà. Et puis moi, j'ai bien senti que Lova, elle préférait être dominée. Voilà. Oh, mais que par toi, Michael. Ouais, je le savais. Je le savais, Michael, tu avais toutes tes chances. Ouais, non, mais malheureusement, moi, je suis pris, Lola la diva. Ça aurait été avec plaisir, mais si tu veux. Pas jalouse. Lola la diva. Ouais, mais elle, oui. T'aimes pas Lova. C'est Lova, la diva. Lova. C'est Lova, la diva. Oui, mais il va pas faire la maline pour longtemps. C'est Lova, la diva. Et les ambulanciers, c'est Lova, la diva. Et les ambulanciers, ça t'excite? C'est moyen quand même. Hein. Ah moyen, toi, tu préfères les pompiers, toi, tu préfères les grandes lances. Ouais, voilà. Mais il faut que ça touche le bord. Hein. Et on a un paquebot, nous. Oui, t'aimes bien, ça t'excite les paquebots ou pas? Oh non, pas du tout. Non? Les marinières, il n'y a que des pédéquilos. Oh non. Voilà. Oui, trouver le problème. Mais t'aimes quoi, toi? T'aimes les meufs, t'aimes les mecs? Oh, bah chérie, quand même, je suis pédé. Mais t'aimes pas les pédés? Non, pas les tafioles. J'aime pas les tafioles. Et tu sais que Toff a un gros marteau piqueur? Oui. Oh là, un énorme. Attends, on le sort. Attends, bouge pas, je le prends là. Ayard. C'est une belle bête, hein. T'imagines tout ce que je pourrais te faire avec ça? Oh là là. Il a à peine touché le côté gauche. Eh, hey, Teddy? Oui. Allez, n'aie pas peur, vas-y. Vas-y. Parle avec la dame. On te protège, on a une pelle, on a un paquebot, on a tout. Et au pire, si vraiment t'es en panique, il y a toujours la police. Voilà, t'inquiète pas, tout est là, tout est prévu, il n'y a pas de soucis. Oui, Lova. Oui. Tu pourrais pas me mettre un petit truc du quoi là des mignons, j'adore. Le quoi des mignons? Attends, si tu veux, si tu veux, j'ai même mieux pour toi là. Vas-y. Écoute. Oh my god, c'est trop moi. Oh my god. Allez. Loca. Attendez, je suis obligé d'arrêter. Attends, la musique, si mais plaît, est-ce qu'on peut faire un tour du côté du standard, Lilou? Oui. Que s'est-il passé au standard là? Bah, je sais pas, Kelly, elle a pété un câble, elle a commencé à faire la balance. Des toi aussi, tu l'as fait, Lilou. J'ai pas compris. Et toi, t'as rien fait, toi, t'es blanc comme blanche non, comme non, neige. Non, moi, je la regardais. Ah. Est-ce que tu t'imagines deux secondes qu'on va te croire? Oui. Ouais. Bah oui, moi, c'est ça. Moi je connais pas. Non, non, tu connais pas, ouais, c'est ça. Bon, voilà, tiens pour toi, Lova. Quoi? J'adore. Voilà. Oh ah bah écoute, si on peut te rendre service, oh, pas de problème. Tiens, il y a Popoliette qui dit écoute et Mickaël No Limit. Attends, c'est quoi? Écoute Mickaël No Limit et ton scooter roulera vite. Bruit du scooter de Toff. Ok, j'ai un peu amélioré l'autre slogan. Ouais, mais bon, sur un t-shirt, c'est compliqué de mettre le bruit de la moto de Toff, là. Oui, c'est vrai, Poupoulinette, réfléchis un peu. Ah, il y a Super Puceau qui dit, il paraît que c'est Polo qui a appris au mec à jouer du saxo, est-ce que c'est vrai? Ah, dans ouais, Backer Matt, bien c'est sûr, vrai. C'est vrai, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on essaiera d'avoir Backer Matt en interview pour qu'il nous explique un petit peu la rencontre qu'il a eue avec Polo à l'époque, etc. Bref, ouais. Toute une histoire. Poupoulinette, attends, c'est Pierre qui dit aussi, Mickaël No Limit, l'émission qui décapite. C'est pas mal. Là, c'est violent. Faut voir. Petit panda, Mickaël No Limit, des trouvailles inédites. Ça, c'est pas terrible, un petit panda. Hein. Alors, attention, moi, j'aime bien un slogan. Mickaël No Limit, et il attend le gâteau de petit panda. Ah, c'est pas mal, ça, non? Ah, c'est bon. Je viens de l'inventer, là, comme ça, tout de suite, là. Ouais. Mickaël No Limit, on se tripote la bite, c'est petit panda. Ça va être classe, son t-shirt, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Randolph qui dit Mickaël No Limit, l'instant radio insolite. Oh, putain. Ouais, là, quand on sera vieux, on pourra l'utiliser, pourquoi pas, ouais. I'm Nono from Réunion, qui dit avec Mickaël No Limit, ça trans geek. Ça trans geek. Ok. Ah. Mais comme tu veux de la Réunion, je veux dire ouais, parce que comme ça, je viendrai personnellement te déposer ton t-shirt. Sympa. Ah, t'es trop bon, j'ai envie de dire. Exactement. Bon. Et alors, Joséphine, Mickaël No Limit, l'émission qui t'excite. Lova, est-ce que ça t'excite, toi, ça ou pas? De quoi donc? Ouais, c'est slogan. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Et Quentin qui dit Mickaël No Limit, Mimiati à la hauteur de ma bite. Bah ouais, d'accord. Mais okay. Non, Mickaël No Limit, dis-moi la taille de ta bite. Ouais. Ouais. Non, ouais. Non, ça va. Peut faire mieux, hein. Bien sûr, peut faire mieux. Hein? Et Let's Be Freaks qui dit aussi Mickaël No Limit, l'émission qui te fait aller au bout du tweet limite. Ça c'est bon ça. Oui, ça c'est le problème, c'est que ces tweets, c'est Let's Be Freaks qui est nouveau à mon avis arrivant en tweet limite. Résultat, elle ne sera peut-être pas numéro 1 ce soir dans le top tweetos, dont on saura ça dans 11 minutes. Donc on verra, à vous de balancer un maximum d'hashtags et Mickaël. On est en top tweet depuis le début de la soirée, donc plutôt cool, hein, depuis 23h grâce à vous, le top tweet également. Donc on va y lire le top tweetos. Ce sera dans même pas 11 minutes maintenant en direct sur Fun Radio. On saura quel a été l'auditeur le plus influent sur le Twitter ce soir, qu'il a donc été le meilleur auditeur de la soirée. Bon, Lova la Diva. Dis-moi. Je te sers la main. Oui, allez, je te fais un bisou et Polo également et Toff également. Je peux faire une petite dédicace, ma chérie. Allez, vas-y, ma chérie. Allez, je fais une grosse dédicace à mon Lolo et à bien sûr à ma meilleure amie, la Morgan Taylor. Très bien. À mon petit Steven et au cabaret de Venise. Eh bien, on embrasse le cabaret, il n'y a pas de problème. Allez, on se bisou, mais tu vas voir le pack fun, bien sûr, pas de problème. Allez, bisous, bisous. Bisous, darling, bye. J'adore. Salut, Lova la Diva. Salut. Salut, dis, salut, salut. Salut, beauté. Comment tu dis? I did you. D'accord. Salut, hein. Je dis au revoir. Mais je pourrais avoir un taxon, ma chérie? Oui, je t'ai déjà dit oui, ma chérie. Je te repasse Kelly et Lilou au standard. Dis t'inquiète pas, on prend tes coordonnées. Merci. Et Toff viendra directement là ce soir à Toulouse. Merci. Te déposer le téléphone. Voilà. Salut. Moi, je voudrais vous voir à Paris. Avec pas trop plaisir. D'accord. Polo, quand tu veux. Train est déjà hyper content. Il est ravi d'attendre la photo avec impatience. Voilà. Voilà. Bon. Ça sur le Twitter. Parfait. Bon, salut Lova la Diva. Bisous, Mickaël, ma chérie. Bisous, allez, à bientôt. Ciao. Et je vous ai mis aussi une photo de Quentin Moziman et moi sur le Facebook et le Twitter. Là, je vous ai demandé qui a été le plus beau. Soyez indulgents. Non, je sais que Quentin Moziman a une grosse basse fan. Donc c'est pour ça que je dis soyez indulgents. Donc je vous ai quand même mis le truc, sait-on jamais. Donc facebook.com/Mickaël officiel ou sur le Twitter également d'émission là, twitter.com. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Si vous me faites un petit follow, eh bien je vous fais un follow back évidemment avec plaisir. Et puis bonne soirée, hein. On a été en top 10 toute la soirée. On a passé les 11 000 là, pour une émission qui a à peine un mois et demi. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous en tout cas. Et comme je l'ai promis, hein, tous ceux qui me follow là, eh ben je les follow également. Bravo à Kevin, là, je viens de te follow également. Megumi également. Il y a Jazz, il y a VNT. TM, il y a Isabelle que je viens de faire follow également, Stéphanie, Stéphane 25, il y a Gomez, Quentin, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, tapez Mickaël officiel, c'est aussi simple que ça. Je vous l'avais promis tout à l'heure, le son de Will.i.am sur Fun Radio, maintenant au cœur de plus de 2h sans pub. Top tweet, 2h sans pub. Il y a que si que ça se passe. On cherche pas plus loin. Bah ouais, c'est ça. Plus de 2h sans pub, même. Will.i.am et Miley Cyrus qu'on écoute tout de suite. C'est Fall Down sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. On est jusqu'à 2h. You make my world, you make my world go. Oh là, il finit cut là le morceau. Oui là, il y avait Miley Cyrus à l'instant, c'était Fall Down sur Fun Radio, là, 1h56 du mat, ouais, toujours en direct sur Fun, avec vous toutes et vous tous, avec plein de messages qui arrivent aussi, avec plein de messages aussi par rapport à la photo que j'ai mise là sur le Facebook, avec Quentin Moziman là qui était passé nous voir tout à l'heure en speed. J'ai demandé qui était le plus beau là en demandant d'être indulgent. Il y a Arnaud qui dit c'est toi Mickaël, Marie qui dit de mon point de vue c'est toi Mickaël, merci beaucoup, c'est gentil. Eric qui dit c'est Polo. Je suis speed, ouais. Il est même pas sur la photo. J'ai rien fait. Il est même pas sur la photo. Pourquoi tu m'engueules, j'ai rien non, fait. Non, c'est Eric qui je dis suis beat. Il a le droit. Ben non, ben voilà. Angélique qui dit Mickaël, c'est bien. Et alors Laurent qui dit la table de mix est la plus belle. Enfoiré. T'as remarqué, il n'a pas parlé de Toff. Non, mais en même temps, c'est parce qu'on le voit pas sur la photo. Mais tu me diras toi non plus. Ouais. Mais bon. Je suis bon, un beau gosse. Allez voir, on a mis plein de trucs ce soir sur le Facebook. Là, notamment les idées de slogans pour les t-shirts. Vous avez été plus de 200 à donner vos, vos propositions. On en a encore quelques-uns qu'on va lire dans un instant. Il y a la photo de Rihanna également là qui est en mode sans soutien-gorge avec juste sa veste qui fait office de soutien-gorge puisqu'elle a mis qu'un seul bouton pression pour fermer tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi là, la photo, il y a Lilou aussi, hein, Lilou qui vous envoie d'ailleurs tous les stickers, hein. Je rappelle que si vous voulez votre stickers, n'hésitez pas, elle vous les envoie avec plaisir. Il suffit simplement de lui faire un mail lilou@funradio.fr avec vos coordonnées et rassurez-vous, si vous n'avez pas de réponse dans l'heure, vous pouvez lui refaire un mail pour être sûr qu'elle a bien reçu le mail. Hein, c'est le minimum. Oh oui, même 3, même 4, même 5, allez-y. Ah, parce qu'elle adore répondre aux ses mails. J'adore. Exactement. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à lui envoyer des mails. Voilà, tout simplement. Ça va. Lilou, mot gentil. Lilou, ouais. Voilà, on t'aime. Ou les trucs que j'adore, c'est ça va, Lilou. Une minute après, vas-y, réponds. Réponds vite. Vas-y, réponds, je t'ai fait un mail, t'as pas répondu. Oui. Vas-y, putain, sois pas un relou, là, réponds. Ouais, tu te la racontes. Ouais, il paraît que tu te la ramènes un peu, là. Parce que tu parles dans Mickaël No Limit, tu te la pas racontes. Pas du mais absolument pas. Non, mais on donne des exemples de mails. Non, pas du tout. Non, moi, je réponds à tous les mails, à part pour les adresses, ils vont avoir la réponse dans leur boîte aux lettres. Et alors. Voici un bel exemple de mytho. Ouais. Hein, qui viennent passer. On pourrait imaginer que c'est vrai, mais. Hop, ça passe mais comme ça, nickel. Elle nous enfume. Voilà, exactement. Une belle enfume. Donc, je rappelle, L-I-L-O-U, @funradio.fr. Vous lui envoyez un petit mail, vous mettez stickers dans l'objet, puis vous mettez vos coordonnées. Pas la peine, commencez pas à vous emmerder à dire bonjour, blablabla. Tu dis, tu sais, genre, vas-y, adresse, envoie-moi sa connasse, tu vois. Voilà, non, c'est en mode. Évite, non, mais façon de parler, tu vois, genre, tu mets juste l'adresse, juste les coordonnées, elle saura ce que c'est. Donc, L-I-L-O-U@funradio.fr. L-I-L-O-U@funradio.fr. L-I-L-O-U@funradio.fr. L-I-L-O-U@funradio.fr. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est une chanson. Ah, non, mais... Qu'est-ce que fait le renard? Il fait L-I-L-O-U. Ah! Attends, c'est pas mal, on va essayer de la refaire là, pour voir. Attends une seconde. Que fait Lilou quand elle reçoit ses mails? Ah ouais, pas mal. @funradio.fr, bien sûr, vous mettez stickers, bien entendu. Ouais. Je suis vraiment très heureuse. Merci grand plaisir, beaucoup. Nous, c'est bien si on peut rendre service. C'est, si t'aime, c'est toujours avec grand plaisir. Hein. Ouais. Attends, on va l'en faire. Voilà, n'hésitez pas, LILOU@funradio.fr. Si vous avez mal noté l'adresse, rassurez-vous, demain je vous mettrai le lien complet sur le Facebook. Non, puis au pire, ils peuvent envoyer à ton adresse. Non. Oui, ils peuvent, mais après je te forward, donc oui, vous pouvez, si vous, c'est pas un problème. Mais vous serez plus vite servi en envoyant ça à Lille, vous pouvez le faire sur mickaël@funradio.fr. Ça, y a pas de souci, mais vous serez plus vite servi. Polo aussi, vous voyez si. Soucis, hein. Non, mais si vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez partir, imaginons par exemple, vous voulez partir de Paris à New York, ouais. Vous pouvez passer par Hong Kong, ouais. Mais c'est plus long. Voilà. Donc tant qu'à faire, monsieur tout le monde va prendre un vol direct. Ah, et bah pareil, d'accord. Si vous voulez les stickers, voilà. Prenez un vol direct, un mail direct. Oui, sauf qu'avec Escale, ça coûte moins cher. Bah oui, peut-être, mais on s'en fout parce qu'ils payent pas. Donc lilou@funradio.fr. lilou@funradio.fr. Voilà, ah non, funradio@funradio.fr. Un truc qui n'arrive pas. Oui, c'est ça. Bon, Cédric. Yes. Bon, vous éclatez bien, les gars. Oh, bah écoute, ça va, on est plutôt tranquille. T'as déjà reçu tes stickers? Comment? T'as déjà reçu tes stickers? Non, mais j'attends qu'il nous propose, tu vois. Ah bah attends, bah t'inquiète pas, tu peux lui faire. Ah bah, toi, tu sais quoi, je vais directement te la repasser, comme ça, le prend tes coordonnées direct, tu seras le plus vite servi. Comme ça, direct ce soir, hop, à la poste, tu les auras après demain, quoi. Ah, t'es un amour, merci, Nicolas. Ouais, oh, écoute, je t'en prie, c'est surtout Lilou, c'est bien, moi je comprends rien. Avec une petite dédicace. Ah bah, avec une petite dédicace, de très Lilou. Bien. Voilà, elle mettra. Ah ouais, en plus, elle a ses règles, elle va faire une belle dédicace unique. Ah, il va être beau, le sticker. Je voulais dire qu'il pouvait envoyer le code tampon. Et l'envoyer un tampon. Ah, mais quelle horreur ce type! D'accord. Oh là là. Putain. Ouais, c'est dégueulasse. Bon, Cédric, merci de passer. Ouais. En tout cas, tu retournes chez Lilou au standard, tu lui demandes le sticker, n'hésite pas. Hein. Vas-y, carrément, puis merci les gars, et bah, on va continuer comme ça, c'est déjà bien. C'est gentil. Merci, et Cédric. Good luck pour le slogan. Ouais, t'inquiète, on va trouver, hein. Pas de problème. Good luck, hein. Bah ouais. Salut Cédric. Ciao à toi, bye bye. Et on embrasse tout le monde à Saint-Malo, là, bye bye. Attends, Kelly, tu peux passer le téléphone à Lilou directement, hein. Voilà. Non, vas-y. Voilà. Mets le micro pour voir. Oui, Cédric. Oui, c'est Lilou. Bon, c'est bon. De toute façon, elle va rien prendre, elle a déjà tout éteint. Non, mais elle va le prendre. Attends, vas-y, elle va prendre maintenant, j'insiste. Voilà, attendez, au standard là, Cédric est au standard avec Lilou. Ouais, ok, ça marche pas, c'est tout ce que tu veux, Cédric. Ah, il lui propose une fellation apparemment. Bisous. Et l'adresse, là, tu l'as prise où? Ça y est, je l'ai prise. Non. Mais je vais pas la dire à l'antenne, sinon tous les auditeurs vont l'entendre. Si, vas-y, tu peux la dire à l'antenne, c'est pas grave. Vas-y. Non, vas-y. Je sais pas. Si, vas-y. Tu l'as pas noté, okay, donc tu peux pas la connaître. Alors, c'est Cédric Piton. Non, mais... 45 chemin du Tu vois pas qu'elle est en train d'inventer n'importe quoi, là? Tu nous prends vraiment pour des Mongoliens? T'as cru qu'on avait démarré la radio il y a 3 jours ou quoi? Catabou. Je te rappelle que c'est nous qui t'avons formé. N'oublie pas ça. ilou@funradio.fr. Ouais, non. Mais vous êtes des très bons animateurs radio, vous êtes même les meilleurs, mais vous savez pas chanter. Je suis désolée. Quel susbite alors. T'as vu ça? Tout ça pour que je donne plus son adresse mail, tu vas voir. N'importe quelle quoi. Mail que tu dois pas donner, Mickaël? lilou@funradio.fr. Voilà, c'est ça. Pour demander vos stickers, vous les demandez, vous mettez votre coordonnée complète, évidemment. C'est pour Lilou, bien sûr. Camille avec un cas qui dit face à Mickaël de limite, Chuck Norris prend la fuite. C'est pas mal. Il y a Cédric qui dit Mickaël, t'as une touche. Non, ben ça va, je l'ai laissé à Toff avec Lola. Mickaël no limite, c'est de la dynamite. Non, ça fait vieux comme slogan pour le coup. C'est vrai qu'on est dans le détail, mais faut quand même pas qu'on vous file des t-shirts avec un slogan en bois quand même. Mathieu qui dit avec Mickaël no limite, ça passe trop vite. On peut imaginer que c'est sexuel du coup. Hein. Quentin qui dit Mickaël no limite, Lova Famabit. N'importe quoi. Petit panda qui dit aussi Mickaël no limite, petit panda no limite. Et alors Cédric qui dit Mickaël no limite, rien ne leur résiste. Mickaël no limite, l'écouter, il mérite. Merci Polp. Mais ah, il faut trouver. Continuez après, on lira demain aussi, vous inquiétez pas, il y en a quelques-uns qui ont été sympas ce soir. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Bon, eh ben il est temps dans un instant de mettre le générique évidemment et puis de faire le top tweetos. Mais allons-y. Je vous rappelle le principe du top tweetos, vous êtes de plus en plus nombreux visiblement sur le Twitter et ça c'est cool. Et donc le principe est très simple. Vous êtes nombreux à balancer le hashtag et Mickaël et donc il y a le top tweetos, celui ou celle, les 5 premiers en l'occurrence, celui ou celle, on démarre le scooter de Toff. On essaie de voler mon scooter. On a essayé de piquer le scooter de Toff là à l'instant, là heureusement la police guette et il y a un cadenas. Hein, on n'a pas pu aller bien loin avec le scooter là. Il y a un cadenas. Et tu sais le mec intelligent qui a attaché la roue avant, c'est qu'on peut démonter facilement. Il est attaché au poteau. Hein, une espèce de bite, t'as qu'à le soulever, tu pars avec. Très intelligent. Il est capable de faire ça. Bah oui, complètement. Ouais. Et alors, et où est le problème? Bah aucun problème. De toute façon, qui voudrait de mon scooter? Bah c'est ça, aucun problème. Bon, du coup, donc top tweetos ce soir, quel est le numéro 5? Like Harlem. Like qui a perdu donc des places, une place. Deux places, troisième, très bien. Numéro 4. Gamer du 772. Très bien. Numéro 3. Echo 90, très bien. Ensuite, BDS Colin. Ça, c'est numéro 2. Ouais. Et The numéro 1, loin devant, qui était très en forme ce soir. Ouais. Let's be free. Bah, je crois qu'elle était pas là. T'as dit tout à l'heure qu'elle était pas classée ou je sais pas non, quoi là. Non, elle était pas classée, mais elle est arrivée là, comme une bourrine là. Elle a dégommé tout le monde là. Ah ouais. Non, non, là, elle a 100 tweets quasiment avec le deuxième. Ah ouais, putain, d'accord, c'est ok. Bien, c'est bien. Bon, bah, Let's Be Freaks. Je le mets tous les soirs, bravo aux gagnants, mais bon, au final, est-ce que ça sert encore à quelque chose sur le même? Let's Be Frites, tu l'as renommé. Let's Be Freaks, je dis. Ah, pardon, j'entends mal. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est les frites dans les oreilles, justement, c'est ça le problème, effectivement. Bon, et bah voilà, bravo encore une fois à toi, Let's Be Freaks. Pour l'instant, sur, depuis une semaine qu'on fait le jeu, elle a gagné 4 fois, et une fois, c'était dimanche, elle a perdu, enfin, elle n'était pas en top dimanche. Ouais. Bah là, un don. Bah peut-être, ça doit venir de là, peut-être. Probablement même, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, et bah très bien, bah, on va se retrouver demain, non, pour la dernière de la semaine. Ouais. On va être en pleine forme, en tout cas on va tout faire pour, en tout cas quoi qu'il arrive. Et puis on se retrouve donc demain en pleine forme à partir de 23h exactement sur Fun Radio. Et puis on va se quitter dans un instant avec le générique. On y va. Générique, vous êtes prêts? On y va. Attention, position 3, de combat. 4. Eh, les deux là, si on vous dérange, vous nous lisez. Ouais. Dites-le. Lilou, tu vas chanter avec nous. Ouvre ouais, mets ton casque. Allez, mets ton casque, micro et tu chantes. Allez. Et pas une seule fausse note où je te balance un truc à la tête. Exactement. Et ça va être très violent. Voilà. Allez. Vous êtes prêts? Non, mais non. C'est le générique. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Il est trop périlleux, c'est toi l'enculé. Un enculé, attends, que tu t'en montres. Il y a vraiment personne qui a un comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Dormir ou bien manger, car pas vu ton nom toute la journée. Allez, Lilou. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? LILOU @fun.fr, c'est normal. Elle envoie des stickers. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Attention. Ouais, attention, attention, attention, on y va, c'est le refrain. Allez, Lilou. Allez, Lilou. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ça. Ah, non, on recommence, on recommence. Bon, maintenant que t'as entendu la chanson une fois, tu peux la refaire. Lilou. Ok. Elilou @fanradio.fr, t'es prête? C'est son nouveau nom. Nouveau nom. Elilou @fanradio.fr. Je suis totalement prête. Polo, faut que tu m'aides. Ah ouais. Je suis là pour ça. On chante dans les yeux. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu prouves des bites, toi tu fais pas l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. T'es un enculé. Toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Lilou en train de péter. Que veux-tu? Lilou ne sait pas chanter. Elielou @fanradio.fr. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle envoie des stickers. Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Elle envoie des stickers. Elle est canadienne. Alors attention, attention. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Refrain Lilou, attention. Tu bouffes des bites, attention, c'est toi l'enculé. C'est toi l'enculé. Enculé. Et toi ton oncle, c'est l'enculé. Oui, on est des enculés, c'est vrai. Vous vous habillez. Voilà. Eh ben là, on termine. Jusqu'à 6h. Mais c'est vrai, on aurait pu la refaire encore une petite fois, c'est vrai, c'est vrai. Allez, Lilou, on recommence. Allez, on y va. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pistes, tu suces toi l'enculé. Allez, Lilou. Attends, pour l'autre et toi. Vous êtes tous des enculés. Tu ne veux plus dormir, on vient manger. Polo, enculé, t'es enculé. C'est pas la chanson. J'ai juste compris qu'il y avait le mot enculé. Enfin, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Qu'est-ce que t'es venu faire, Lilou? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Lilou fait des stickers. Non mais non. Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Attention, là tu vas le connaître. Toi l'enculé, toi l'enculé. Écoute, non. Enculé. Attention, vas-y, on dit au frère, vas-y, vas-y. L'enculé. Putain. Trois fois. Tellement ça te fait enculer. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. C'est pas sérieux là. On est des Suce ma bite, mais bon, c'est compliqué, j'en on ai pas. On peut m'isoler ce morceau? Un moment où elle est... Bien sûr. Parfait. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Je bon, me bah voilà. Sonnerie. Hop, du coup c'est terminé pour aujourd'hui, j'ai eu ce que je voulais, c'est parfait. Bon, et ben bonne nuit tout le monde, hein. Bonne nuit à Toff, hein, qui est là en train de jouer avec deux objets un peu phalliques. Oui tout à fait, ça laisse la m'exciter, regarde, hop, je mets l'objet phallique 1 dans l'objet phallique 2. Quelle horreur. Bon, la bonne nuit à Apollo également là. Merci toi aussi. Très bien, à bonne nuit également aux filles, là, Kelly et Lilou, là, qui a pas s'en remettre de ses soirées, on n'est pas à l'abri qu'elles ne reviennent pas demain. Non mais je vais répondre aux mails toute la nuit de toute façon. Mais bien sûr, LILOU@funradio.fr. Oui. Ouais. Voilà. Tu dis quoi? Comment c'est quoi? LILOU@funradio.fr. LILOU@funradio.fr. Ah bah d'accord. Voilà, pour demander les stickers avec vos coordonnées complètes. LILOU@funradio.fr. Ouais. Parfait. Bon, allez hop, c'est parti du son d'Ainsfloor jusqu'à 6h du mat sur Fun Radio. Là aussi c'est parti. Passez une excellente nuit et on va se quitter. Bon, on va se quitter maintenant, hein, donc passez une bonne nuit, voilà, tout simplement. À demain tout le monde, 23h. Merci à vous tous d'avoir été sur le Twitter. On a été toute la soirée en top suite grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis merci également à tous ceux qui étaient sur le Facebook, sur l'Instagram également. Je viens de mettre la photo avec Quentin Moziman là. Donnez vos avis, hein, sur le physique. Je vous ai demandé de voter là. Je compte sur vous. On donnera le verdict demain à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit, ciao tout le monde. Michael, no limit. Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio.